Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On accueille notre nouvelle recrue, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, Stéphanie Paradis. On reçoit Angélie Durocher. Ouais, en général, comme ça. Et aussi la chronique sportive de Maxime Bilodeau. Bon matin, bienvenue à Sondage Requis en ce mercredi 31 octobre 2012. C'est l'Halloween! Oui, moi c'est Mathieu Plante. C'est plein de choses là. Mathieu Plante qui n'est même pas déguisé ce matin. Non, mais j'ai mon chandail de Tackle Show. Oh. Donc, je suis très presque retiré à l'avance. L'émission est retirée en décembre, Tackle Show. C'est mon émission préférée. Ok. Et c'est une émission de quoi? Ça dure depuis comme super longtemps. Une émission de technologie, tu sais. Ah. Fait que c'est en hommage aux émissions retirées trop tôt. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas à chialer parce que je suis pas déguisé non plus. Non, non, t'es pas déguisé. On s'est pas déguisé un matin, c'est vrai, on est proche. Par contre, t'es François-Louis Marchand. Oui, exactement. Ça, c'est vrai. Et on est en direct. Des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ouais, en direct de Lord-Louis. Mettons, on a à dire nos petites phrases pré-écrites, genre. Prescriptées. Prescriptées, c'est ça. Dans des tombes, ce matin. C'est ça. Dans des tombes? Ben ouais. Non, mais lugubre, ça. Hein? Ben là, c'est Lord-Louis. Ouais. On a pas le choix d'être lugubre, là, ce matin, là. On n'a pas le choix, là. J'ai oublié de sortir nos thèmes. On avait. Je pense même que si je me trompe. Ouais, c'est ça? Attends un peu. Avec oui. Oh ouais, bon vrai, MS ça. J'ai juste de m'en rappeler, quand même, j'ai fait ça l'année passée. On a donc bien la cave de pas le refaire. Attends un peu, faut que je le retrouve comme faut là. C'est celui-là. Attends un peu. Oh, ici, attention. Oh. Hein? Ça c'est fou. Et demain, c'est la version où on parlerait pour faire la présentation de l'épisode d'aujourd'hui. Hein? Oh! Ah ouais! Ça, c'est un gars viril qui chante cette chanson-là. Fou, hein? Pas capable. Ah non, non. Ça va faire un petit vomi un peu. Non, comme à cause des bonbons. Comme à cause des bonbons. Non, faut pas exagérer, par contre. Non, on exagère, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, à l'émission, François-Olivier, on a en tout début d'émission Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef du journal Zone Campus depuis très récemment, en fait, c'est depuis l'automne, là, c'est tout nouveau. Elle va être avec nous pour parler du plus récent numéro qui est sorti hier. Génial. On a hâte, hein? Génial. Puis écoute, on n'a pas de bonbons pour nos auditeurs. Par contre, on va faire tirer un six-pack. Vinyle et CD. Ouais. Nous autres, on vous donnera pas des pommes avec des lames de rasoir. Non. Faire attention à les déballer, par contre, peut-être qu'il peut avoir des surprises. Tout à fait. T'aurais pu au moins te forcer à aller chercher des roquettes, ouais, un petit peu de roquettes. Je sais, puis c'est quoi, ma copine m'a dit la même chose. Mais. Vois, donc, c'est vrai. Mais, attends. Ouais, ce qu'elle dit, c'est parce vrai. Parce qu'ils ont toujours raison, là. Ça, c'est vrai. Mais, par contre, j'ai suggéré l'idée d'en acheter demain. Oh, j'aime et ça. Et elle n'a pas eu ça. Puis c'est en spécial. Ben, c'est sûr. Le 1er novembre, c'est la journée pour acheter. T'en as le trip pour le même prix. Qu'est-ce qu'on a aussi à 7h45 ou 8h, dépendamment, parce que Jasmine Raymond-Dréville ne vient pas cette semaine. Elle a des petits refus. Gassés, ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Sûrement à cause des bonbons. Tu sais comment qu'elle est fan des bonbons à chaque fois qu'elle a la c'est ça, c'est sa semaine. Ça peut être dangereux pour elle. Donc, on aura Angélie Durocher, sa chronique L'Index. Elle nous présente quelque chose qu'elle aime ou qu'elle aime pas pendant Pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Arrête ouais, donc. Je t'ai dit. Comme, mettons, un salon. Là. Un salon. Une pièce de théâtre, non? Ah, je sais pas, là, par exemple. Ça, l'histoire, elle dit pas. Non? Non. Une salle de bain? On sait pas quoi, on sait pas. Peut-être une chambre à coucher, aucune idée. Oh. Cuisine. Oh! Cuisine, couteau, clou, Halloween. Ah, clou comme le jeu. Là. Ouais, ouais. Ouais, non, super. Ça, puis risque. Risque, non? Non, j'ai beaucoup plus clou que risque. En fait. Sinon, le plan de l'émission d'aujourd'hui va durer peut-être 15 minutes, je pense. Qu'est-ce qu'on a à 8h30? On a beaucoup de chroniqueurs aujourd'hui. Maxime Bilodeau. Maxime Bilodeau, oui, exactement. Et si on parle un petit peu de son sujet d'aujourd'hui, dans sa chronique d'une foulée à l'autre, il va nous parler, il va poser en fait des questions inusitées sur l'activité physique, François. C'est le genre de questions là, qu'on s'est sûrement déjà posées tous ensemble ou séparément, indépendamment. Tu posais des questions sur le sport? Tout le temps, sans obtenir de réelles réponses. Plus spécifiquement, comme pourquoi est-ce que j'en ferais? Ouais, c'est ça, OK. Parfait. La seule question qui peut... Donc, on va se demander quel est le meilleur exercice. On va examiner le rire sous l'angle physiologique et finalement, on va vérifier si l'humain est vraiment fait pour courir, en tout cas. Hein? Je ne vais pas parler pour tout le monde, mais la réponse est facilement non. Là. Ben, je pense que oui, moi. Ben non. On va s'assiner là-dessus. Ben non. Ben, hey, t'as deux jambes, petit gars. C'est vrai. Dans ton cas, t'en as peut-être trois. Oh! Okay. Donc, tu devrais courir plus vite. Oui, c'est ça. Ça va peut-être boiter un peu. Mais bon. Donc, c'est tout à l'émission d'aujourd'hui. On va aussi faire la chronique, c'est un fait. Kinky, sexy, time edition, en tout début d'émission, c'est-à-dire juste après ce prochain bloc musical. Qu'on débute à l'instant avec du Gros Méné et la pièce Vénus Gros Méné, tu sais, Fred Fortin, ces affaires-là, là, c'est le gars de Galaxy. Pis, ouais. Fait que, comme ça, tout le monde parle de ça, Gros Méné. Et moi, ben, ça manque encore à ma culture. Mais c'est pas diabolique, ça, là? Non. Je pensais que on ferait des chansons juste de peur. Tu veux qu'on fasse juste ça aujourd'hui? Ben, on aurait pu. Ben, là, est-ce qu'on a préparé la deuxième heure? OK. La deuxième heure, on l'a fait complètement diabolique. Mais est-ce qu'on reste genre diabolique comme intro? Oui. OK, on regarde ça. Oui. C'est le concept. Par année. On a le droit. Ça, puis un vendredi 13, ça arrive, mais on n'a pas d'émission de vendredi 13. Dans le temps, j'avais une émission de vendredi, puis on faisait ça. Hey, tranche de vie, ça sert à rien de dire ça. Non. OK. Gros Méné, Vénus. 89 FM. Bonne émission. Hein? On peut. Merci. Since I've been dig a hole in the middle of the street. Dig it down, dig it down, 6 feet deep. You should know. Chanson titre ou thème de Dead Man's Bones à Assemblage requis, hein? Fond d'âme. On aime ça, bon. Dead Man's Bones. De la difficulté à dire. Dead Man's Bones. Un peu comme j'ai de la difficulté Dead à dire le mot difficulté. Bones. Ouais. On aime ça. Et ça fait très Halloween. Ça, pour vrai, là, écoute, tu veux te mettre dans l'ambiance, hein? C'est un bon petit disque à acheter. Oui, ben, ce serait le moment de se mettre dans l'ambiance, le 31 octobre, je dirais. Sinon, il va être tard un peu. Là. Ouais, sinon, c'est ça, il est tard. Mm-hmm. Maintenant, on va pas du tout faire quelque chose d'horrible. On va faire quelque chose de plaisant, en fait. On a tous besoin dans la vie de plaisir. Hein? Hein? Bon. Donc, on va faire, c'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon les différents internets. Hein? Et aujourd'hui, c'est Kinky Sexy Time Edition, donc on va parler seulement de choses qui ont rapport avec la sexualité. Donc, oreilles sensibles, s'abstenir, on vous avertit à chaque fois au début. Des fois, ça peut être osé, mais on essaie de ne pas être vulgaire. Non, jamais. On utilise les termes médicaux quand même, par contre. Ouais, on essaie. Ouais. Et donc, François-Olivier est là, et pour la première fois, Stéphanie Paradis, qui va faire la collecte sur le campus tantôt, est avec nous pour partager ses connaissances, étant donné qu'elle me corrige souvent sur la chronique « C'est un fait » en général. Donc, si jamais elle a quelque chose à dire, elle est là. Salut. Salut. Ça va? Je vais essayer de me retenir un peu ce matin quand même. Oh. Ouais. Déjà une blague de sexe. Parce que habituellement tu corriges Mathieu. Oui. Ouais? OK, formidable. À chaque fois qu'il fait un fait qu'il a déjà fait auparavant, okay. Il sait. Ça okay. Arrive souvent. Mais là, pas de retenue, là. Hein? Tu corriges en direct. Laisse-toi aller, Steph. Garde-toi. Oui, oui. Laisse-toi aller. Les koalas femelles ont deux vagins latéraux. Chacun est connecté à un utérus séparé. Donc, ils ont une séparation latérale, deux vagins de côte à côte. Deux grossesses en même temps? Ouais, donc j'imagine par association, ça pourrait arriver, j'imagine. Wow, j'imagine, ouais. Ça, je sais. Okay. Les hamsters mâles, leurs testicules sont 17 fois plus grosses l'hiver que l'été. Hein? Ça, c'est les hamsters mâles. Ah ouais. Les femmes qui jouent à des jeux vidéo ont plus de relations sexuelles que les femmes qui ne jouent pas à des jeux vidéo. Ah, intéressant ça. Pas pire ça, hein? Oui. Ça donne envie de jouer avec ton joystick. Hein? Non? Okay. Ensuite, les gladiateurs romains perçaient leur pénis pour pouvoir le retirer à l'arrière. Dans le fond, le tirer par en arrière pour se protéger lors des batailles. Pour pas que leur testicule soit dans le chemin et qu'ils se fassent attaquer ou que ça fasse... Par là, là. Ils commencent par là. Et voilà. Eh bien. Durex. C'est la compagnie de condoms Durex. Ouais. C'est en fait un acronyme pour Durable, Reliable, Excellent. Donc, durable, fiable et excellent. Durex, c'est beau. Rien de moins. Contrairement à Trojan, qui est le cheval de Troie, j'imagine. Tu vois? Aucune idée. Aucune. J'imagine. On se rejette. Les couples avec une télé dans leur chambre à coucher ont 50% moins de relations que ceux qui n'ont pas de télé dans la chambre à coucher. Normal. Donc, on peut jouer à des jeux vidéo, mais pas dans la chambre. Exact. Exactement. Moi, je pensais que ça pouvait te donner des idées, une TV. J'avoue, mais on dirait que les gens n'ont peut-être pas tendance à regarder ça dans la TV dans la chambre. Peut-être qu'ils n'ont pas le câble, pas de pay-per-view. C'est pas. Pas de pay-per-view dans la chambre. Tu plugues ton ordi là-dessus. Hein? Ah, toi, t'es un gars qui a des claviers sans fil. Hein? Oh, Bluetooth. Ah, il y a matière à ce gars. Ah, en effet. Les femmes sont environ 10 fois plus sensibles au toucher que les hommes. Tu sais, quand des fois, t'as l'impression que ça fait plus effet de parler, entre autres, à une fille que de faire d'autres choses, ou puis les toucher. C'est deux facteurs qui sont beaucoup plus intéressants pour les filles que pour les hommes. Je sais pas, ça les excite pas mal plus. Hein? Bon. Ben, je pourrais pas comparer. Non. J'ai jamais été un homme auparavant. Ah non? Non. Me voilà rassuré. Le chocolat, c'est prouvé. Ça cause de l'excitation sexuelle un peu de la même façon dans le cerveau que les préliminaires. Le chocolat! Comment tu dis ça? Le chocolat! Chocolat. Le chocolat. Là, on est à l'Halloween, fait qu'on on va peut-être en recevoir. Donc, ça cause de l'excitation autant que les préliminaires. Le groupe d'âge qui dit avoir le plus haut niveau de satisfaction sexuelle. Et là, je regarde Stéphanie puis je me dis, je l'ai sûrement déjà fait, celui-là. Quel âge, quelle est la tranche d'âge où la satisfaction sexuelle est à son sommet? Pour les femmes? Pour les gens, en général. Les humains. Très bien. C'est bon. Et ça, c'est l'âge de début, la tranche commence. Oh, ouais, c'est ça. Il doit finir à... Oh, t'avais dit 75? Non, 50, mais je vais me retenir à 40. Steph? 3. Ah, c'est ça. J'espère que c'est plus qu'à 40. Non, c'est 39. Oh. Ah. 39, c'est le sommet, entre 30 et 39. L'histoire de Little Red Riding Hood. Ça, c'est le petit chaperon rouge. Vous connaissez le petit chaperon rouge? J'espère. Qui ne connaît pas ça? Ah. Et d'ailleurs, plein de monde se déguise en petit chaperon rouge à Halloween. Ben, c'est cute. On s'entend que c'est un costume cute. C'est joli. C'est inoffensif, tu sais. Alors que la grand-mère, ça, c'est moins cute. Ouais, ça, c'est plus rare. Moi, je me déguiserais pas en grand-mère, j'aurais honte. Non. Donc, l'histoire du petit chaperon rouge a été inventée, a été écrite pour essayer d'empêcher les filles, en fait, pour garder les filles loin du sexe. C'est l'auteur qui a dit ça. Le méchant loup représente un pénis. Non, mais pour vrai, et c'est ce que ça dit. Je sais pas. Ça là. Dit, écoute. Mais ben ça oui, dit, on aurait dû y penser. Ben oui. C'est logique quand tu y penses. Faire? Un loup, tu sais, crier au loup, mais ça veut aussi dire crier au pénis. On s'entend là-dessus. Ensuite, toujours dans cette fake kinky sexy time edition où on essaie de pas trop être osé, mais en même temps, on n'arrête pas de dire le mot pénis. Certains lions peuvent s'accoupler jusqu'à même au-dessus de 50 fois par jour. Les lions. Les lions? Ça s'accouple 50 fois par jour environ. Certains. Les gens qui ont des relations 3 fois par semaine, et là, selon les études encore une fois, ont l'air d'avoir entre 4 et 7 ans de moins. Donc, ils ont l'air plus jeunes de 4 à 7 ans. Pas plus jeunes comme ils ont l'air d'avoir entre 4 et 7 ans. C'est pas ça du tout. Mais ils ont l'air plus jeunes, ceux qui ont des relations 3 fois par semaine. Bon. 44% des femmes entre 18 et 60 ans ont utilisé pas ils sont pas propriétaires nécessairement, mais ils ont utilisé un objet sexuel dans leur vie. 44%. On est bien. Tu me dis, je me répète, je pense que je l'ai peut-être déjà fait celle-là aussi. Je te trouve pas aussi vite, ça. Peut-être que j'en ai inséré des faits que je savais déjà, que j'avais déjà fait, peut-être. Mais peut-être. Les arômes du vin peuvent exciter les hommes et les femmes. C'est selon une étude, encore une fois, je sais pas où ils font, pourquoi ils font ces études-là, mais l'arôme du vin est bien excitant, vraiment. Oh! La Chine a développé un contraceptif. Ou est-ce qu'on dit, je crois, contraceptif, ça veut dire contre la conception, c'est ça? Fait qu'on, quand on dit anti-contraceptif, ça veut, c'est comme, veut dire septif, finalement. La même chose. La même chose, anti-contra, c'est comme pas deux fois le même mot? Bonne question, hein? Hein? Oh, j'ai... Oh! Là, elle y pense. Elle y pense, parce que je pensais vraiment que je disais n'importe quoi. Là. Mais là, elle y pense, fait que ça veut dire que c'est peut-être vrai. Donc, la Chine a développé un contraceptif oral pour les hommes. Une pilule. Ouais, pour vrai. La pilule, là, mais... Comment on dit ça? Peut-être. En Chine. La longueur moyenne... Ah! Faut que je dise le mot encore. OK, non, je vais pas dire. La longueur moyenne d'un appareil féminin. L'appareil féminin d'en bas par en avant. C'est quoi? Le farin. Ah, bon. Donc, la longueur moyenne de cet appareil-là, non stimulé, est de 8 à 10 cm. Bon. Eh bien. Eh bien. En 1952, quand je dis appareil, il me semble que c'est clair, non? Faut vraiment que je le dise. Hein? C'est parce que vous... Ben, c'est pas clair, non? C'est pas clair, l'appareil, on, l'engin. On comprend l'engin. Pas. L'engin. Comment? Tu veux que je dise quoi? On comprend pas. La petite fleur. La petite fleur, hein? C'est pas pire. En 1952, le premier numéro de Playboy s'est vendu pour seulement 50 000 copies. Presque rien. Premier numéro. Ben, 50 000. Quand même. Ouais, presque rien par rapport à aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est des millions, hein, j'imagine. Ah, c'est petit, c'est petit. Le point G. OK? Point G, c'est bon, c'est jusque-là. Est situé environ 2 pouces de l'entrée de la petite fleur. 2 pouces de l'entrée de la petite fleur. Pour certaines femmes, évidemment, là, on sait qu'on s'y dresse, mais appliquer la pression à cet endroit-là peut causer une excitation intense. Voilà. Point G. Le mot pornographie vient du grec et à l'origine, ça faisait référence à des choses écrites par des prostituées. Donc, quand tu dis de la pornographie, c'est des choses écrites par les prostituées. Et, oui, mais... Ça a changé. Ça a changé. Et on dit... Ah, ça, j'aime bien ça, savoir ça. En bioénergétique, on dit que le mot, en fait, que le climax... En fait, il y a une différence entre climax et orgasme. Selon la bioénergétique, j'imagine qu'on dit ça comme ça. Donc, le climax, c'est des contractions des muscles génitaux, alors que l'orgasme, c'est des contractions à travers le corps au grand complet. Je savais pas ça. Oh. Je savais pas ça. Ça va être ça, là? Non. François, ça va pas ça? Non. Non. Non. Je connais rien, moi, là-dedans. Ouais. Ben, c'est pas ça, ces affaires-là, moi. C'est ça, comment dire, chaste. Autosuffisant. Oh, Caroline! C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme ça que ça a fait 2 enfants, toi. C'est comme la Vierge Marie, ton affaire. Ouais, c'est ça, écoute, c'est apparu, écoute... D'en haut. Ben, je sais pas par où, mais... Ben, en tout cas, je sais. OK, malaise, qu'est-ce que tu disais? OK. C'est tout. Ah, c'est ouais. Tout. Ah. C'était pas long, hein? Non, c'était pas long. On a pas duré longtemps aujourd'hui. Mathieu Plante, t'as fait ça court aujourd'hui. Mais court mais intense. On a appris des choses. C'est ce qu'on veut dans une relation, non? Oui. Oui. Que ce soit intense et qu'on apprenne des choses pour que ce soit rapide. Non, non. En tout cas, je me comprends. Voilà pour cet un fait Kinky Sexy Time Edition. Une autre édition. Un autre moment. Good. François, tu nous as suggéré une pièce pour continuer toujours notre thématique de l'Halloween. Ouais, exactement. Écoute, Tegan and Sarah, hein, un groupe qu'on aime bien ici. Et puis, duo. Duo. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'imagine qu'ils sont d'autres. Ben, on sont des musiciens. Ouais, c'est ça. Et puis, la pièce Walking with a Ghost. Hein? Marcher avec un fantôme. Merci de la traduction. Ouais, tout à fait. C'est l'Halloween. Avec quoi ça? Assemblage requis. Oh, oui. No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. I was walking with the ghost. I said, please, please don't insist. Mama.

tapez pas bien les mains, je trouve. Mais là, ça tape plus. Ça tape plus, là. Fais pas semblant, là. Comment? C'est l'Halloween. Tape des mains quand ça tape pas dans les mains. Mais on fait un effort, là. Au moins, il y a un effort. Mathieu Plante n'est jamais content. J'ai bien remarqué. Et Colin, hey, je me sens attaqué. Persécution, comme dirait Manolo. Là. Manolo. C'était la pièce Monster Hospital de Metric. Tout à l'heure, on aura d'autres musiques épeurantes. Qui parlent d'enfer. Oh, Colin. Mais pour l'instant, on parle avec Stéphanie Paradis du Zone Campus Intro. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Non? T'entends pas? Si tu m'aimes pas, mon, t'aimes pas mon... Hein? Comme dictatrice en chef. Oh, dictatrice en chef. C'est de même qu'on l'appelle parce qu'elle elle est comme... elle est très, très grammar nazi, comme on dit sur Internet. Elle corrige les fautes du monde, tout ce genre supérieur à tout le monde. Puis là, moi, j'ai dit que c'était une dictatrice de la dictée ou encore, si tu combines les deux mots, une, ben, une dictatrice. Hein, finalement. C'est ça. Donc, Stéphanie Paradis, nouvelle rédactrice en chef du journal Zone Campus depuis quelques semaines, peut-être même, j'irais, proche d'un mois. Quoi? Non, plus que ça. Plus que ça, un mois et demi? Je me souviens pas de la date, non? François? Ouais, je dirais un mois et demi. Un mois et demi. Ça va bien. Je vais te faire confiance. Je te dis. Ouais. Et c'est ta première fois dans notre studio pour nous parler du numéro en cours du journal Zone Campus. Oui. Oui, numéro 5 de la session. Oui, mais pas mon numéro 5 à moi. Non, on devrait tout renuméroter ça. Hein? C'est ton numéro 1. Effectivement. Numéro 2. Non. C'est pas ton préféré? Hein? Numéro 1 non, parce que c'est ton numéro 1. Hein? Là, c'est supposé être ton préféré. Là. Chacun est meilleur que l'autre d'avant, rien. Il est en kiosque là. Mais c'est le meilleur journal sur le marché de toute façon. Donc, sur le marché. On aime ça. Sur le campus. Elle a des catégories. C'est sur le marché, trifluvien. Non. Sur le marché. Universitaire. Donc, en une, on trouve du sport. C'est quand même relativement rare. Oui, à la une. Mais ça valait la peine d'en parler. Là. C'est quand même les Patriots hockey qui sont au troisième rang canadien. Ça fait 4 ans que c'est pas arrivé. Ça vaut la peine de le souligner. Donc, dans les dernières années, ils ont fait quelques... se sont faufilés dans le top 10 à quelques reprises, mais ça a toujours été difficile. Donc là, numéro 3, yes. Merveilleux. Félicitations, Patriots. Alors, on va commencer en actualité. Pourquoi pas? Allons-y. Hein, ça te tente-tu? Ben oui, pourquoi pas? On commence pas en sport quand même. Hein? Non, mais on a commencé en sport avec la une. Veux-tu finir l'article? Non, ça va. J'essaie de te guider en même temps, je veux pas te brusquer non plus. C'est bizarre comme France, hein? C'est bizarre. Actualité, go. Oui, donc on commence avec le 24 heures d'études qui s'est déroulé le 17 et 18 octobre, donc de 8h à 8h, 24 heures, on comprend? Ça veut dire une journée complète. Exactement. Donc de 8h le 17 octobre à 8h le 18 octobre. Ouais. Et ça a été une activité réussie? Oui, c'était une activité réussie. Il y a eu à peu près le même nombre de personnes qu'à la dernière édition. Ils ont même eu des demandes pour allonger le 24 heures d'études sur plusieurs jours. Ben oui, 48 heures, quelque chose comme ça. Oui, il va falloir qu'ils changent de nom. Ou 24 heures d'études avec un S pour plusieurs 24 heures d'études. Oh! Un à la suite de l'autre. Oui, tu auras un S à 24 heures. On met des S partout. Heures, c'est ça. On met des S partout pour le plaisir. Super, ça. C'est le fun. Oui. Ensuite, l'Atrium. Oui, il change de nom, l'Atrium. L'Atrium a changé de nom. Et? Donc, l'Atrium Paul-Émile Bordua, ouais. C'est devenu l'Atrium CEU pour Centre des études universitaires. Oh, ouais. Donc, le centre a fait un énorme don à la fondation de l'UQTR, plus Arrête de 1,7 million de dollars. Donc, c'est le... Mais le CEU, c'est quoi? C'est une instance de l'université? C'est à l'interne? Non. Centre des études universitaires? Ben oui. Ouais? Ah. Ben, vous lirez l'article. Ben oui, c'est ce qu'on va faire. C'est à quelle page, ça? Page 2. En page 2. Merci. Oui, page 2. Donc, là, c'est un des plus importants donateurs de la campagne de financement de la Fondation de l'Université. Okay. Donc, il fallait souligner ça quand même de façon importante. Pas les mille Bordua, ben qui prennent la barre, tu vois. Ben, Bordua. C'est bon. Merci. Je trouve ça bizarre, moi, que tu sais, quand t'accordes quelque chose. C'est un peu l'air d'un pot de vin. Mais ben, c'est pas ça. Si tu me donnes ça, on peut faire ça. C'est comme le CAPS, mais toutes les situations sont différentes, mais quand même, les choses changent. Le CAPS, c'était quoi? C'était pour 10 ans? Léopold Gagnon pendant 10 ans, je pense. Ouais. Aucune idée. Le CAPS, Léopold Gagnon. Ouais, ouais. Non, c'est pas ça, Léopold? Ouais, ouais. Léopold. Ouais, ben, me semble. En fait, c'est écrit où, ça? Ça assoupe devant. Ouais, ça va à quelque part. Le gars, en mourant, il a légué en fait une bonne somme d'argent. Une plus grosse somme d'argent que le CEU à l'Atrium, mais quand même, à l'université. Quand même. Donc, toujours en actualité. Oui. Donc, on va parler maintenant du Rassemblement national académique. C'était la deuxième édition cette année, donc ça s'est tenu le 13 octobre dernier. Donc, c'est une dizaine d'associations de 7 universités québécoises qui sont venues discuter de la qualité de l'enseignement universitaire. Donc, étant donné que l'UQTR est plus membre de la Fédération étudiante universitaire du Québec... FEUC. Exactement. Donc là, ça donne une nouvelle plateforme pour échanger avec les autres universités. Donc là, maintenant, l'AGE a vraiment plein de dossiers à s'occuper du côté académique. Ensuite, il y a eu un CA dimanche dernier pour le poste de VP aux communications. Malheureusement, il est toujours vacant. Le seul candidat qui s'est présenté a été refusé. C'est quand même gros, ça, ouais. C'est qui? On sait pas. C'est qui? On n'a pas le nom dans le journal. Ah non, on n'a pas le nom. Peut-être que c'est trop, trop humiliant, un petit peu, peut-être. Mais pour la en personne, fait, les raisons qui sont données, c'est pas rien d'humiliant. C'est que c'est un nouvel étudiant d'université qui n'est pas vraiment au courant encore de tout ce qui se passe. C'est ça. Mm. C'est vraiment un manque d'expérience. Donc peut-être que l'année prochaine. Qui sait? Exactement. Ouais. On se rappelle que c'était Malik Diagne qui a démissionné à ce poste-là aux communications récemment. Si oui, vous rappelez, exactement. Et il y a une autre nouvelle qui est sortie du CA, et c'est pas dans le journal parce que c'était un petit peu après la date de la date d'échéance, mais c'est sur le blog zonecampus.ca par rapport à la nouvelle version, on fait une extension de la chasse-galerie au Michel Sarrazin. Exactement. Pas mal. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Pas mal ça, la nouvelle, finalement. Mais c'est une bonne idée, sincèrement. Écoute, parce qu'ils sont assez loin, là, ce pavillon-là. Là, oui. Oui, j'ai eu quelques cours là-bas et vraiment... Ouais, là, écoute, il n'y a pas grand-chose à faire là. Tu restes là. C'est un autre univers, là. Ouais, t'es ailleurs puis t'as l'impression d'être sur un autre campus, là. Puis on est bien content que ce soit pas un autre Tim Hortons. Hein? Ouais. Oui. Oui, vraiment, vraiment. Bon. Toujours en actualité, on parle maintenant d'une femme qui a marché de Mont-Tremblant à Québec. Oui, en fait, elle termine demain sa randonnée de 250 km. Donc, c'est Mme Julie Ledoux qui s'est associée avec Alliance Romaine pour la protection de la rivière Romaine. Ça, c'est la salade, la vient de là, ça? Oui, probablement. Oui, oui, oui, bien sûr. Je le sais bien, j'espère. Oui, elle a aussi d'autres revendications à travers ça. Là. Je la comprends. Si je faisais 250 km à pied, je me ferais une liste de revendications et je les passerais tout en même temps. Elle serait aussi longue que la distance parcourue. Exactement. Mais oui, il faut. Tu y vas, tant qu'à le faire, c'est quand même 250 km. Donc, elle était de passage la semaine dernière à la salle Giantonneau-Thompson. Donc, elle arrête dans plusieurs grandes villes pour passer l'après-midi et répondre aux questions de tous ceux qui sont intéressés pour signer sa pétition. Mm-hmm. Donc, si vous voulez connaître toutes ces revendications, vous pouvez lire l'article. Ensuite, on a la merveilleuse chronique de M. Simon Fidibé qui a été écrite pendant la construction. Donc, c'est vraiment tout croche, là. C'est un peu n'importe quoi. C'est le fun, c'est ça qu'on aime. Je pense qu'on s'est attaché à ce petit concept-là, de faire un petit concept, tu sais, le ouais, fun. Ouais, je sens que ça va aller, si on va faire des grandes choses avec ça, ça va aller loin. On pourrait faire des chroniques radio comme ça aussi. Si on n'avait pas de fond en arrière puis qu'on levait un micro vers la fenêtre, ça ferait... Ça le fait plus, là? Non. Ça le fait plus? C'est fini? Juste à temps, quand même. En pleine chronique, ça a arrêté, c'est fun. Donc oui, c'est il parle du futur pavillon, en fait, de la construction et des conséquences de ça. Exactement. Ben de chialage. Oh ben c'est Sylvain, c'est Simon Fidibé. On s'attend à rien de moins. Toujours en insulté, reste encore une dernière page. Oui, avec M. Michael Da Silva et sa chronique « Qui se cache derrière les jeux vidéo? » Mathieu Blanc! C'est moi. Derrière tous les jeux vidéo. Toutes la gang. Donc, on parle principalement, en fait, des métiers. Donc, dans le domaine artistique, le domaine de la création et le domaine technique. Donc, c'est vraiment une exploration de la face cachée des jeux vidéo. C'est très intéressant, comme toujours. Michael Da Silva est un homme de multimédia. Oui, tout à fait. Il est multimagnifique. Ensuite, on a terminé les actualités. On s'en va en société. Société. On a Parlons de sexe avec Jonathan Loranger. Inceste et silence. Oh, non, tu ne peux pas chanter ça sur cette chronique-là. Donc, c'est vraiment... Je trouve ça le fun parce que on parle pas mal tout le temps du côté plus positif, si on veut. Donc là, c'est bien d'avoir un autre aspect. C'est tabou, on n'en parle jamais. Mais là, on en parle, c'est important. Il termine sa chronique en disant « J'espère que cet article vous aidera à pardonner aux victimes de garder le silence et vous encouragera à parler plus ouvertement de l'inceste. » Donc, c'est le but de sa chronique et je trouve ça tout à fait... pertinent. C'est oui, lourd, c'est, mais oui. pertinent. Oui, c'est important ouais, aussi. Est très important. Ensuite, avec Jean-François Veilleux, 10 choses à savoir sur la marijuana, partie 3, la légalisation. 3 de 16 ou... Non, 3 de 3. OK, OK. C'est terminé. Oui, oui, oui. C'est la dernière. En fait, c'est supposé être la dernière. Qu'en sais-je, encore une fois, c'est un sujet qui touche de très, très près, je pense. Mais c'est quand même très intéressant, là. Je pense que t'as pas besoin de... Ouais, c'est un sujet quand même controversé. Ben Michel oui. Lebrun ouais, en avait parlé ici à l'émission Assemblage Requise. T'as pas besoin de fumer ton joint à chaque soir pour être intéressé par l'article, là. C'est, voilà. c'est très intéressant. Tout à fait. Et c'est bien fait, là. Il écrit bien. Ben oui, il écrit très bien. On a évidemment le fantasque avec Hubert Sanson ainsi que les jeux aussi. Et pour terminer, on a la chronique de Sébastien Dulude. Très affamé. Thérèse affamée. Thérèse affamée. Petite parodie des Hunger Games, mais des Hunger Games trifluviens. Donc, chronique tout aussi tranchante. C'est très violent. Mais c'est vraiment savoureux. Sébastien Dulude, il provoque, il aime ça piquer les gens. Ouais, ouais, ouais. Là, ça fait plus que piquer, là. Ça tranche, ça saigne. Ah, on aime ça, c'est l'Halloween. On adore, oui. Allez aujourd'hui. Il faut lire ça aujourd'hui. Il faut aller voir la photo du cowboy de Trois-Rivières oui. aussi. Et non, c'est une page divertissante, pas mal, ça. D'ailleurs, il va venir nous la faire ici, lundi prochain. Oui. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Il est maintenant, en fait, il a toujours été aux deux semaines, mais il va maintenant alterner avec Véronique Mire. Donc, la semaine prochaine, lundi, à 8h maintenant. Avant de passer aux arts et spectacles et aux sports, Stéphanie, si tu nous permets, on passe en musique rapidement. Ben oui. François, tu nous suggères une autre pièce de Tegan Sara? Oui, effectivement. Écoute, on va aller entendre la pièce Hell! L'enfer! L'enfer! Ah, cool! Oui! Oh, et pas très épeurante, la chanson, quand même. Non, vraiment pas. Et bonne parole. C'est Assemblage Requis au 89 FM. No, I'm not ready for downtown trash. Avoid collapse. Sarah et la pièce Hell, assemblage requis. Hello back, Stéphanie Paradis. Hello, bonjour. Bonjour. On était, tantôt on a fait les actualités, la société. Il nous restait les arts et spectacles et le sport à faire dans le plus récent numéro du journal. Donc allons-y avec les arts et spectacles. Oui, arts et spectacles, on commence avec le lancement d'album de East Road. Oui, groupe local de Shawinigan. Oui, donc ça s'est passé le 18 octobre dernier. Alexandra nous dit que c'est une découverte d'un groupe extraordinaire et simple. Mais j'en parlerai pas vraiment plus longtemps parce que Alexandra en a déjà parlé souvent. Ouais, et hier. Que de toute façon, tout le monde va être là demain soir à la Chasse-Galerie. Oui. Exactement. Premier novembre. East Road va être là. Que j'en parle. Je voyais que tu voulais que j'en parle. Ben, sinon, j'en aurais parlé. Mais East Road va être là demain à partir de 22h. En fait, c'est gratuit pour tout le monde. Étudiants, pas étudiants. Et on va tous être là. Déguisés, oui. Pas déguisés. Vous pouvez venir. Venez rencontrer vos vedettes préférées d'assemblage requis. Hein? Bon. Donc, East Road, 1er novembre, à la Chasse-Galerie. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la sortie CD de Bernard Adamus, numéro 2. C'est le nom de l'album, là. C'est pas, il n'est pas numéro 2 nulle part. Non, non, ben, peut-être. Là, mais on est déjà en train d'y donner des noms pour ses futurs albums. T'sais, mettons, le troisième, ça pourrait être Fou comme la marde. Parce qu'à date, le 1, c'était Brun. Brun. Là, c'est numéro 2 comme du caca. Et puis, numéro 3, ça va être Fou comme la marde. Ou vert liquide. Wow, je trouvais que j'étais dark en disant le mot, mais finalement, c'était pas ça veut rien dire. Ça peut être écoute de jus de kiwi. Jus de kiwi, exactement. Oui, tout à fait. Ça avait bien rattrapé. Oui, on n'a pas du tout pensé à autre chose. Ben non, je sais. Donc, Bernard Adamus, qui était de passage à Trois-Rivières le 11 octobre pour présenter son album. Donc, Alexandra nous dit qu'avec numéro 2, Bernard Adamus a su agilement toucher l'équilibre en produisant un album fidèle à l'ambiance du premier, mais agrémenté d'une production sonore plus raffinée et plus cuivrée. Oh! Moi, j'aimerais ça, lui, qu'on lui trouve un surnom. Je trouve que Bernard Adamus, c'est comme long. C'est ça, on Burn, dit pas... Burn? Burn? Ouais, Burn. Ouais. Burn, ça pourrait Burn. Être pas pire. Uh-huh. Bernie? Burns. Burn. Ouais. Burn, Monsieur Burns. Burn, non, pas non. Burns. Non, juste Burn. Burn, B-E-R-N. Burn. D. Burn. Burn. Pas Burn. Burn. Bref. Bon. Moi, en tout cas, j'en ai d'autres surnoms, mais ils sont pas. On peut pas les dire à la radio. Non. D'accord. Donc, ensuite, toujours dans la section arts et spectacles, on parle aussi de Clap Campus, hein, n'est-ce pas? Ah, toi, t'as switché à Clap Campus. Ah, je suis juste, tu veux parler de l'autre. Ah non, c'est vrai, c'est toi qui l'as écrit dans ton article. Ben, Parle-en. Ah oui, je vais en parler de mon article. Des images et des métissages culturels. L'exposition dans le hall Gilles Boulet. Je voulais en parler parce que peut-être que tout le monde se demande c'est quoi ces photos-là. Mm-hmm. Eh bien, c'est... voyons. Une association entre... l'Université de Bogota en Colombie et l'UQTR qui ont, dans le fond, ont fait des œuvres d'art numérique à distance. Donc, chacun travaillait de son côté. Okay. Donc, c'était une association entre un trifluvien et un bogotien, je sais pas, un colombien. Un Bogota. Donc, ça donne vraiment des œuvres particulières, très intéressantes à voir. C'est dans les fenêtres du hall. Donc, on les voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, on voit encore la lumière du jour. C'est magnifique. Wow! Ah, good. Mm-hmm. Et ça va être là jusqu'en décembre. Donc, vous avez en masse le temps de passer devant. Mais remettez-le pas trop plus tard, parce que la prochaine chose que vous allez entendre parler, ça va être fini. Dépêchez-vous. Oui, exactement. Ensuite, là, on peut passer au Clap Campus, une association de cinéma à l'UQTR. Donc, c'est très intéressant. C'est pour tous les curieux et passionnés de cinéma. Donc, qu'on soit néophyte ou expérimenté, si on aime le cinéma, c'est vraiment pour vous. Dans le fond, c'est pour réaliser des courts-métrages. Donc, il y a un thème qui est donné au début de la session. Et on travaille en équipe, autant l'écriture pour filmer, réaliser, jouer dans le film. Et aussi, le Clap Campus offre des projections de films assez régulièrement, que ce soit des grands succès ou des films un peu plus underground. Donc, c'est très intéressant. C'est très cool. Et d'ailleurs, on avait reçu Gauthier Aboudaram à l'émission Assemblage requis numéro 450. Ça vous intéresse d'aller voir sur le site web. C'est l'émission du jeudi 4 octobre. C'est qui s'appelle Pascaro. Pascaro. Très sympathique. Oui, bien gentil. Ensuite, critique cinéma avec M. Gabriel Couturier. Donc, la Chine, la fierté d'une nation. Donc, on parle de deux films sur l'histoire chinoise. Donc, Le Maître d'Armes et Ip Man. Deux très excellents films que j'ai vus et que j'ai adoré les deux. Pour vrai? J'aime beaucoup les films asiatiques, d'arts martiaux et tout ça. Donc, c'est vraiment deux excellents films. Allez lire la critique. Très intéressant. Superbe. Il nous reste encore un petit peu d'art et spectacle. Oui, avec le premier album d'Atomic Baobab, le Viewmaster. Donc, formation trifluvienne. Donc, on parle des inspirations du groupe, l'expérience de création. Et on apprend aussi que des nouvelles chansons sont déjà en route. Donc, après l'écho de cet album-là, on ne restera pas sur notre fin longtemps. On va avoir des nouvelles chansons qui vont s'en venir très rapidement. Eux, c'est les gagnants des Mars de la Relève du Gambrinus il y a 2 ans. Je sais pas. Pas, là, ça fait quelques années quand même. Je trouve ça mêlé un peu. Là. Ouais, c'est ça. C'est l'ordre des choses qui est difficile, mais ils s'en sont vraiment très, très bien sortis et on les aime beaucoup à cette fois. Ensuite, on a un petit spécial sur la galerie R3. Donc, 2 articles sur la galerie. Donc, on a la dernière exposition. Malheureusement, je crois que c'est déjà terminé. Le pavillon est complètement détruit. Il va commencer à être détruit bientôt de ce côté-là. Exactement. Donc, on n'a plus vraiment accès à la galerie, mais vous avez... 2 magnifiques photos pour montrer les œuvres. En fait, la dernière exposition, c'était pour rendre hommage aux lieux qui vont être détruits. Donc, les artistes en plastique ont vraiment fait les œuvres directement sur les murs. Je pense que c'est très intéressant. Qui n'a jamais rêvé de dessiner sur les murs? Ben oui, avec de la gouache, mais là, pas de gouache. Non, pas de gouache. Mais en fait, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment été étonnée du résultat. C'était super beau. C'est un hommage beau. À quoi, donc? Au magicien d'Oz ou quelque chose comme ça? Il y a des chats partout. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'était vraiment... personne s'est consulté avant et à la fin, ça a vraiment donné une œuvre harmonieuse et tout a l'air d'aller ensemble. Donc, c'était vraiment un beau travail d'équipe. Il déménage au pavillon des arts qui est juste... là, j'ai de la misère, puis de toute façon... Oui, les arts, c'est Benjamin Sult. Benjamin Sult, on en parle dans le 2e article, donc sur le futur de la galerie R3. Donc, bien entendu, la galerie va être relocalisée. Mais c'est pas vraiment négatif, en fait, parce que on dit que ça va augmenter la visibilité pour surtout avec les gens de l'extérieur du campus, parce que personne ne savait trop exactement c'était où. Ben, c'était au bout d'une place, comme qu'il n'y a aucun rapport avec les arts. Là, c'était à côté des gardiens de sécurité et de la chapelle. C'est ça, exactement. Donc le local, ça va être beaucoup mieux situé, ça va être plus facile de faire la promotion de ça. Et on parle aussi des futures expositions qui vont s'y trouver, les projets de la galerie. Oui. Sport, et on est rendu en sport, là, c'est la dernière sport. Section. Sport. Sport, on va y aller avec... Ça. Oui, hein? Sport-moi de ça. On va y aller avec le hockey. OK. Donc, les Patriotes, ça va vraiment bien. Les Patriotes hockey, ça va vraiment bien. C'est fun, parce qu'au début de la saison, écoute, on s'attendait pas à ça. Changement d'entraîneur, bref, c'est vraiment une bonne équipe, là. Reconstruction, et puis... belle surprise. Oui. Donc, sur les 3 derniers matchs de la saison régulière, ils en ont gagné 2 sur 3. Donc, contre Concordia le 17 octobre, ça s'est terminé 6-3. Ensuite, malheureusement, ils ont perdu contre Carleton. Ça semble avoir été... Non, mais ça semble avoir été vraiment un match difficile. C'est une équipe robuste. C'est toujours difficile de les affronter à domicile. Ils ont perdu 3-0 quand même. Mais il y a vraiment eu beaucoup de pénalités aussi, là, 95 minutes de pénalités au total. Je connais pas tant ça, mais moi, je trouve ça vraiment beaucoup. Là. Ça semble avoir été un gros match. Et ensuite, les Patriotes ont gagné 3-2 contre Ottawa. Les GGs. Les GGs. C'est le fun, GGs. Double G's. GGs. Ça se dit bien. Ensuite, au soccer... Ça va très bien côté masculin, un peu moins du côté féminin. Donc, le soccer masculin, l'équipe est assurée de faire les séries, malgré que la dernière fin de semaine, ça n'a pas très bien été. Ils ont perdu leurs 2 matchs, mais ils étaient déjà assurés de faire les séries. Donc, prends ça relax, puis on se donne le 2 novembre prochain où ils vont débuter les séries éliminatoires. Ensuite, soccer féminin, ben la saison est terminée. La fin de semaine a été difficile avec un match nul et une défaite. Donc, on va continuer à suivre l'équipe masculine. On a aussi notre profil d'athlète avec Madame Gabrielle Racine au cross-country. Cross-country. Ou comment t'appelles ça, donc? J'appelle ça le cross-country, évidemment. J'aurais jamais fait un jeu de mots détourné, comme, mettons, je sais pas si j'inventais cross-country. Comme ça, tout naturellement, comme ça. sur le vif. En fait, j'ai déjà fait cette blague-là à l'émission. Fait que j'ai déjà fait en nombre. Une fois que c'est fait, tu peux la refaire. Ben oui, hein? je sais. C'est tout? Ben oui, c'est terminé. C'est déjà terminé. Merveilleux journée. Génial. Oui. Donc, c'était pas ton numéro 1. Ah. Ben oui. Tu savais que c'est pas ça que je voulais dire. Ben, je sais bien. Il est super bon aujourd'hui. C'est mon 2e ennemi. Oui, le premier, tu l'as pas fait au complet. Et après, c'est ça. Tu as commencé avec le numéro 4, c'est ça? Le, oui. Puis ça, c'est le cinquième oui. de la session. Merveilleux. Oui. Stéphanie Paradis, on va te recevoir toutes les deux semaines, potentiellement le mercredi matin, parce que c'est pas mal la seule case qu'on a de l'île. François? Hein? Oui, oui. Moi, ça me va, ça me va. Ouais. Donc, mercredi dans deux semaines. Merci, oui, Steph. Avec plaisir. Puis on se revoit au bureau. Oui. On travaille ensemble. Donc, Assemblage Requis qui se poursuit. Et François, on va terminer la première heure ici. Ça te dérange pas trop parce qu'à un moment donné, il faut continuer et revenir avec Anne-Julie Durocher qui s'en vient. Oui, exactement. Qui va nous parler d'une pièce de théâtre. Oh. Mystère par rapport à laquelle, là? On sait pas. Est-ce que ça va être effrayant? J'espère que oui. J'espère. Pour l'instant, ben, on écoute l'Info Campus puis on revient avec ça. Et Maxime Bilodeau aussi. Oui. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Merde, j'avais pas préparé l'affaire de d'Halloween. J'avais mis le vrai. Je veux pas rejouer le vrai, je veux jouer l'Halloween. On s'entend là-dessus? Attends un peu. Hey, je le trouve plus. Ah, il est-tu là? Il est là. Ah, il est là. Attention, l'Halloween! Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 31 octobre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante, Tousignan aussi, voilà. Je pense, à quelque part là-dedans. Là. Je dirais le moins possible. On n'en parle pas. C'est ça. Aujourd'hui, tu l'as tué. Comme un slayer de zombie. Halloween, sang, morbide, lugubre. Fort, hein? C'est une belle image. Oui. Anne-Julie, t'aimes ça les zombies, toi, Walking Dead? Ouais, la troisième saison est commencée. Est-ce que tu l'écoutes en temps réel, tout ça? Ben, comme le lendemain, là. Ouais. Parce que ça joue comme trop tard, puis tant que je l'aille, puis tout ça. Ouais, c'est fou comment tout le monde suit ça, puis c'est difficile. Les gens font de l'effort pour vraiment aller sur les sites, pour le regarder légalement. Télécharger, c'est ça? Yes. Ben, c'est ça. Mais non, je suis. Ça m'énerve un peu quand je l'écoute. T'sais. Faut comme pas que je l'écoute trop tard, sinon ça m'empêche de dormir. Ah ouais, ça fait des moments. Tant que ça? Non, c'est si parce que. Non. Parce que genre, j'aime trop ça. Je suis énervé, mais dans le bon sens. Okay. De comme. Ouh, j'ai okay, t'es excité. Ouais, hey, ouais. Hey, hey. Hey, j'aime vraiment ça. Oui, c'est ça, excité dans le sens de. Ok. Donc, Anne-Julie Durocher, est-ce que t'es prête à sortir ton index? Déguisement? Oui. Tu te déguises en index? Non. Ben, elle se déguise. J'ai oublié mon morceau de déguisement que j'ai apporté juste pour vous. Je l'ai oublié dans mon bureau. C'est vrai. Je repasserai plus tard au courant de la journée. Toute la journée. Donc, l'index, attention, on le sort. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. C'est comme une guerre de pouces entre ces deux-là, mais ils se piquent avec les poches. Ouais, elle arrête pas d'essayer de me toucher dans le nez. Non, là, c'est toi, aujourd'hui. Là, excusez-moi, mais. J'ai rien fait. Elle veut t'enlever ton cerveau, François, à travers le nez. Le boire avec une paille. Ah. Ça pourrait te faire du bien. Penses-tu? Ils s'aiment, ces deux-là. La complicité est tellement évidente. Ouais. Donc, Anne-Julie, c'est l'Halloween aujourd'hui, mais est-ce que tu me parles d'Halloween, non? Non, mais je parle de théâtre, tu sais, ils sont déguisés. Okay. Théâtre, Halloween. Vrai. Hein? Il y a un lien à faire. Pas pire, il y a un costumier. Habituellement, ouais. pas très loin. Oh, oui. Donc, il y a quand même un lien entre l'Halloween et. C'est vrai. Le théâtre. Mettons. Ben oui. Hey. Mais c'est forcé. Donc, je vous parle. Pas une comédie musicale, hein? Non. Ah, OK. C'est une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Oh. La pièce s'appelle Le vrai monde, point d'interrogation. En fait, elle va être présentée à la salle Anaïs, alors Rousseau, le 8, 9, 10. Décembre, octobre, novembre. Ainsi que le 15, 16, 17 novembre à 20h et le 11 novembre à 14h. Tout ça va être différent ce jour-là. Ouais, c'est ça. Ben, jour de souvenir. C'est si vous voulez y aller avec vos enfants ou que vous êtes fatigué ou que c'est familial? Pas tant, là, mettons. Là. C'est peut-être plus pour les personnes mettons, âgées ouais, qui excusent le bonheur. Moi aussi. J'y ai pas pensé, mais moi, je voyais avec les adolescents. 14 heures. Ouais. Je sais pas, en fait, mais ça va aller voir une pièce de théâtre qui va comme plus le soir. C'est comme un film, non? Les films, il y a des matinées au cinéma. Tu peux aller le matin. C'est vrai. Tu sais, des adolescents, c'est difficile à sortir. Fait que tu fais un compromis. Je t'amène au théâtre dans la journée. Le soir, tu vas voir tes amis. Ah, c'est comme un genre une punition quasiment, ça? Mais non, mais tu sais, c'est pas toutes les ados. En tout cas, c'est pas le thème de ma chronique, amener votre enfant au théâtre. Parle-nous du vrai monde. C'est quoi ça, le vrai monde, pour interrogation, question? Bon, ben ça, c'est une pièce de théâtre qui met en scène le personnage de Claude, qui, à l'âge de 23 ans, en fait, va présenter à sa mère sa première pièce de théâtre qu'il a écrit. Mais Claude n'avait pas prévu que... Parce qu'en fait, c'est un petit peu autobiographique, sa pièce de théâtre, mais il n'avait pas prévu que sa mère ne verrait pas ça comme un hommage, mais plutôt, à l'inverse, comme une claque en pleine face. Un affront, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est une pièce de théâtre qui parle d'une pièce de théâtre. Ouais. C'est très, très méta. Mais c'est ça... Méta, autoréférence, okay, mise en abîme, etc. C'est comme une surprise de l'utilisation de ton vocabulaire. Ouais, ben, je parle pas souvent. Tu sais, j'étais comme pas sûr d'avoir bien compris. Là. C'est ça. Mais donc, c'est ça. Puis, dans la pièce, en fait, on retrouve Claude étant le personnage principal avec les membres de sa famille, mais aussi avec les personnages de sa pièce de théâtre. Les personnages de sa pièce de théâtre sont comme. Ils ont le même nom que. Les membres de sa famille. Ouais. Par exemple, sa mère s'appelle Madeleine et dans sa pièce de théâtre, la mère s'appelle Madeleine 2. On parle dans la pièce de théâtre, de la pièce de théâtre, pas dans la pièce de théâtre premier niveau, où là, ce serait vraiment la mère de Michel Tremblay. Non, c'est ça. Non. On suit, là. Oh. C'est dans la pièce. Donc, dans la pièce, il y a Claude, Claude 2, Madeleine, Madeleine 2 et ainsi de suite. Donc, on voit un petit peu les relations entre les deux. Puis, en fait, la pièce présente plusieurs chocs de génération et culturel et de personnalité. Puis aussi, il met en relation, en fait, il décortique les relations père-fils. Donc, c'est une pièce qui est très intéressante, en fait, là, pour justement un samedi soir, un vendredi soir. Est-ce qu'il y a des acteurs qu'on pourrait reconnaître dans la version qu'on va voir à la maison? C'est quoi? C'est la salle à Nice, à l'art Rousseau? C'est dans la salle. En fait, oui, parce qu'il y a deux étudiantes de l'UQTR qui jouent dans la pièce de théâtre. Hein? Ouais. C'est bien le fun. Ouais. C'est qui? C'est Alex Piché, qui est, je crois, en or. OK. Okay. Et Marie-Christine Perras, qui est en or. OK. Je suis sûre. OK. Donc, il y a quand même deux étudiants. Puis, Est-ce que c'est voulu ou est-ce que les autres font la tournée avec... En fait, d'après moi, non, parce qu'ils sont aux études. Ils ne doivent pas faire la tournée, mais c'est c'est une bonne question. Je ne le sais pas. Mais en fait, c'est la troupe de théâtre du Théâtre des Nouveaux Compagnons qui présente la pièce de théâtre. Puis, il y a aussi une activité, en faisant mes petites recherches hier, j'ai trouvé une activité vraiment intéressante en entourant la pièce de théâtre. Bon, je vais vous faire part, parce qu'il est vraiment le fun. Pour le monde qui aime le théâtre. J'ai hâte de savoir. Ben oui, j'ai dit ça. Donc, l'activité s'appelle Monde parallèle. Puis, dans le fond, l'activité va se tenir le 3 et 4 novembre. Puis, c'est pour... Ici à Trois-Rivières? Ici à Trois-Rivières. Okay. Puis, c'est pour permettre, en fait... C'est en fin de semaine, ça? Oui. Mais oui, déjà en fin de semaine. C'est pour permettre, dans le fond, au monde qui aime le théâtre, qui veulent en connaître plus sur le théâtre... justement d'en connaître plus avec trois volets d'initiation à la production théâtrale. La première session, dans le fond, là, oui, t'avais l'air d'avoir une question. Oui, c'est ça, avec Michel Tremblay? Non, avec la troupe de théâtre. OK, lui, il sera pas là. Ben, peut-être qu'il va être invité, mais c'était pas écrit dans la description de l'événement. Ouais. Puis j'ai comme trouvé ça un petit peu tard hier, mais je trouvais ça le fun. Je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Ah oui, tout à fait. Écoute, c'est ça. La première activité, dans le fond, c'est une lecture dirigée de la pièce de théâtre qui dure environ 2h30. Ensuite, le deuxième atelier, c'est un atelier d'initiation au jeu théâtral basé sur le texte de la pièce qui va durer environ 3h. Et la dernière séance, c'est une séance d'observation d'une répétition de la production. Donc, celle-là dure environ 2h30. Puis, dans le fond, c'est ouvert à toute personne de 14 ans et plus. Au coût de 10$ pour les non-membres et 5$ pour les membres. OK, donc, si tu vas aller voir la pièce, mais qui sont peut-être pas déguisés, ça peut coûter juste 10$. Mais moi, je trouve ça le fun de voir comme l'envers du décor, de voir comment c'est monté. Parler avec eux autres aussi. Ben oui, c'est ça. Ça permet de rencontrer. Je trouvais que c'était très intéressant. Pour les inscriptions, dans le fond, rendez-vous sur le site Internet du Théâtre des Nouveaux Compagnons. Il faut contacter Annie Trudel, qui est la metteur en scène de la pièce. OK. Et c'est ça. OK. Faut réserver. Oui. Ouais. Faut réserver. Puis pour le coût pour la pièce de théâtre, en fait, là, c'est vraiment abordable. Donc, 18 $ prix adulte, 15 $ étudiant. Yeah! Donc, c'est abordable. Ouais, étudiant, là, ça... Non, mais tu sais, c'est le prix d'un film, sérieusement, puis c'est bien plus le fun que de juste de voir quelque chose projeté sur un écran. Oui, oui. On s'entend. C'est vrai, c'est le fun, une pièce de théâtre. On n'est pas porté à aller voir ça, là, mais ça vaut la peine. Mais je vous invite, je vais continuer à vous en parler, parce que moi, j'adore le théâtre. Pour vrai? Fait que, ouais. Ouais, j'essaie d'y aller, mettons, 3 fois par saison. Mais l'été, saison c'est difficile. Par saison session ou non? Ben ouais, saison session. OK. Mettons. Ah, c'est bien. Moi, c'est les comédies musicales, plus de misère. Non, j'adore moi, j'adore ça, c'est cool. Ah, ouais. Ouais. Ouais. J'en ai jamais vu en salle, mais c'est les films basés dessus, c'est pas cool. Ah, les films, moi, c'est... Ouais, j'aime ça. Ça me rend agressif. Ah. Moi, quand j'étais jeune, mon film préféré... Ben, un de mes films préférés, parce que j'ai toujours eu de la misère à statuer sur quel était mon film préféré. Ouais. C'était Annie, une pièce, une comédie musicale qui est sortie comme en 1980, début années 80, vraiment peu connue, mais que j'adore vraiment beaucoup. Ben, peu connue au Québec. Ouais, c'est ça. Très connue ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis en fait, il y a plein de musiques très, très, très connues qui sont basées sur la musique. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow. Moi, je sais de quoi qu'il parle. Ouais, François. Moi, je sais pas. Mais ben, ça, je vais dans ta face. C'est tout. Mais ça sera le sujet d'une autre chronique, le comédie musicale, pour améliorer ta culture. Amène-nous des chansons de comédie musicale. Non. OK. Non. Hey, Alexandra Carignan m'a fait découvrir une comédie musicale récemment, puis je l'ai pas encore écouté. Il faudrait que je l'écoute. C'est quoi? Ça me rappelle ça, je me rappelle pas. Oh. C'est le fun que j'en parle. Ben oui. Merci. On va en parler. Okay, on en parlera tout OK, parfait. Je suis seul qui aime pas ça. Ben, ça a l'air. T'es dans la minorité. Ouais. Visible. Très visible avec ta chemise de carreau. Très visible. C'est ton déguisement. C'est ton déguisement. T'es déguisé en bûcheron? Nappe, François. Ah, bûcheron, nappe, non? Mais non, ça ressemble plus à une nappe, je suis d'accord. Ouais, nappe à pique-nique. Mais je le dis souvent, puis, mais j'ai dit après ça, je traite de nappe, après ça, je le complimente parce que j'aime bien sa chemise. Ouais, elle est belle. Ah, ben, merci, merci. Mais. Pas toi, là, mais la chemise. Mais je recouvre bien. Je sais pourquoi bûcheron était venu en tête en premier. T'as vu ma carrure, si je peux utiliser le terme. Ma hache. Ma hache. Ah, oh, boy, boy. Ouais. Hey, merci, il fait chaud, là. Bon. Ouais, merci. On se revoit la semaine prochaine. Oui, mercredi à 7h45, on t'a déplacé un petit peu, étant donné que Jasmine n'est pas là, avec ses différentes choses qui sortent de différents orifices. C'est dégueulasse, là. Ouais, mais j'ai rien dit. C'est pas du même. Non, je suis très, très poli en disant ça. C'est de politesse. Ouais, moi, j'ai même mis cette formulation à elle, là. Mais... Son petit vomi. Mais oui. Oh. C'est mignon. C'est vraiment cute, hein? Mais oui. C'est vraiment cute. T'as envie d'en avoir un, toi aussi, tu sais, c'est ça? Non. Ça va faire. Non. Merci, Anne-Julie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On retourne à la musique à entendre 4D. Voici les morts vivants siffle. Ah, c'est fou. J'ai fini de. J'ai fini mon rire et puis aussi diabolique. L'air du son désert et le pavé est brouillé. Les morts vivants perdent des bras et le sang, ça siffle. Ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles. Pleine de verre et de nourriture souillée, tourne ta tête et regarde-les. Venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux. Tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets. Mais la remange vous épave. Même sans le cœur, elle fonce vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Qui quitte les corps morts, rentre en transe. tu les traverseras. Sont debout et sont muets, mais larmes mangent vos épaves. Elles sont le cœur, elles foncent vers moi. Impile, imprudent, l'impertinent. C'est 4D et les morts vivants sifflent. Et je pense qu'il y a une suite à ça, mais j'ai pas la suite du titre. Les morts vivants sifflent, mais ça ressemble pas, je sais pas quoi. Une suite à ça. Bref. Ouais. C'est l'émission spéciale Halloween d'Assemblage Requis. Je mets même un fond comme ça. Tu passes l'Halloween, est-ce que tu donnes des bonbons, Mathieu? Non. Tu les manges. Je les mange le lendemain. Le 1er novembre, là, c'est pas mal la place pour ça. Ouais. Ouais. Parlant de novembre s'en vient. Eh oui, on se fait du poussin aussi cette année. Non. Pourquoi? Skipper une année, une fois de temps en temps? Ben, on l'a skippé l'année dernière. On l'a fait l'année passée? Non. Non? Non. T'es-tu sûr? Je te jure. Ah? C'est le deuxième, ce qu'on appelait les jets. Ouais, non, mais je veux dire, nous, se faire pousser, nous, la moustache, physiquement. Nous, on a fait ça l'année passée, non? Je pense pas, non. Ben, Caroline, on va skipper deux années de suite, c'est parfait, ça. Eh hey, non. Non, mais là, c'est déplaisant. T'es beau, t'es super beau. T'es beau. Merci. Ah oui, ça va. Sans moustache, tu es en train de dire que je suis pas beau sans moustache. Je te lance un défi. Quoi? OK? Si j'arrive à convaincre Danny Janvier. Danny, tu le convaincras pas. Je suis sûr que non. Fait que oui, je vais accepter ta gageure. Je suis sûr que tu le convaincras pas. Oh ouais. Non, je vais essayer. Je m'avance vite. Je vais essayer. Il a vraiment dit qu'il faisait pas. Ah ouais, pour vrai? Au pire, il va faire encore sa barbe verticale qui ressemble à une moustache. Je trouve ça vraiment cool. Pour vrai, là, je trouve ça il fait vraiment bien. La petite lisière, là, lanière, ou qui monte ou qui descend, là, tu dépendais où tu te places. Là. Ben, hein? C'est la verticale, là, c'est pas une flèche. Là. Non, c'est ça, mais elle pousse en montant ou en descendant. Là. Ah, tu veux dire l'orientation des poils? Ouais. OK, je pensais qu'elle pointait vers le bas. Quand non, ça pointe tout le temps vers le bas. Il était. Oui, ça pointe tout. Oui. Fait défi accepté. OK, parfait. Donc, François, on a un concours à faire. C'est notre semaine des six-packs. Vas-y, Mohamed. Oui. Vas-y, okay. Mohamed. C'est là que ça se passe. Non, mais parfait. C'est pas mal, là, parce qu'après ça, Maxime s'en tout à fait. Ok, écoute, Walk the Moon en vinyle, hein? Walk the Moon, c'est vraiment très très bon. La pièce Quesadilla, entre autres, là, c'est excellent. J'ai envie de la faire jouer. Oui, je sais, mais c'est pas lugubre. Non, j'avoue, mais calme. C'est pas lugubre, c'est ça qui... C'est pour le concours, le bienfait du concours. Hein. Ouais. Mais écoute, j'ai peut-être une alternative pour toi, si je regarde rapidement, okay. Parce que, à part du vinyle de Walk the Moon, on a un CD de Jack White, hein? Lui, t'es peurant, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Et écoute, je pense qu'il y a une chanson qui... Dis-moi, c'est quoi? Si je me souviens bien, c'est Walking with a Ghost aussi. Lui aussi? Ben, je sais pas, là. Écoute, fais une petite recherche rapidement, voir si t'es capable de trouver ça. Il y a pas de chanson avec Ghost dedans. Jack White, non? Non. Ok, ben White Stripes, peut-être. Ok. Ça se peut-tu? En tout cas, regarde ça. Mais on a un vinyle de Jack White et. Pas un vinyle, excusez-moi, un CD. Avec un vinyle de Walk the Moon. Uh-huh. On a un CD aussi de Vaccines. Merci pour la prononciation. Donc, je sais pas, je voulais pas te corriger en fait. The Wallflowers. Ouais. Hein? Tout ça? Ouais. En disque. Dread the River. Ouais. Puis Band of Horses. Moi, je suis capable à date. Là. À date, je suis capable. Oh ouais, non, okay, mais sérieux, c'est méga cool. Non, c'était très bien en l'âge. Et pour vrai, il y en a pour tous les goûts. Et puis, si vous les aimez pas tous, peut-être qu'il y en a un là-dedans qui vous intéresse moins. Vous le donnez à quelqu'un, ça fait un beau cadeau. Tout le monde est content. Hey, Noël s'en vient. Everybody wins. T'as pas dit ça dans l'air, toi, là. J'ai pas dit ça dans l'air de Noël. Fallait que je dise quoi? Jingle bell. Non, mais Noël s'en vient, effectivement. C'est un beau cadeau. Là. Pas déballé, celle-là. Là. Non, c'est ça. Ça a l'air vrai. Là. Ça vaut cher. Ça vaut cher. Donc, j'ai trouvé ta chanson. White Stripes, hein? Oui, exactement. C'est White Stripes, Walking with a Ghost. On écoute ça à Assemblage Requis. Et puis après ça, on accueille Maxime Bilodeau et sa chronique sur la culture sportive d'une foulée à l'autre. Restez avec nous. No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. I was walking with a ghost. I said, please, please don't insist. Cette chanson me dit étrangement quelque chose, François. Hey. C'est comme si je l'avais entendu il y a quelques minutes. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, on l'a fait jouer plus tôt dans l'émission. The White Stripes, mais c'est un cover de Tegan and Sarah, j'ai vérifié. Là, en fait, mais ça sonne pareil, par contre. Oh, non, genre, Jack ça. White. Ben, en fait, c'est Jack White et Meg White. Qui chante cette chanson-là. Donc, ça ressemble étrangement à Tegan and Sarah. Mais on aimait la pièce à la base, donc c'est bien correct comme ça. Je pense que j'aime mieux Tegan. Moi aussi, mais bref, comme ça, là. Je préfère souvent les covers ou les originales aux covers. Ouais, tout à fait. Donc, tantôt, on a fait un concours et sacré bleu, on a gaffé deux fois. Écoute, on dormait sur la Switch, on se demandait pourquoi le monde n'appelait pas, mais c'est parce qu'on n'a pas donné le numéro de téléphone. Et puis, on n'a pas dit d'appeler. Non, c'est ça, c'était juste. On a un concours. 0 en 2, ouais, c'est ça. On n'est pas comme, tu sais, je sais pas, texter le numéro. Les gens connaissent le numéro par cœur, peut-être d'autres places, mettons. Nous autres, il faut le dire. T'sais. Donc, ouais. 819-376-5183. 819-376-5183. On va prendre l'appel numéro, je sais pas... 4, parfait. Donc, numéro 4 au 819-376-5183. Pour gagner le six-pack d'album vinyle et CD, on rappelle ce qu'il y a dedans. Walk the Moon, il y a Jack White, Dry the River, Band of Horses, The Wallflowers, et puis The Vaccines. Oui, ça, prononciation. Oui, je m'excuse encore. Non, c'est correct. Écoute, je ne sais pas comment prononcer ça. C'est pas un expert. On t'aime pareil. Donc, on va écouter pour l'instant une chanson d'Ariel. Voici Les Sorcières. Et on rappelle, c'est le 819-376-5183. Ma petite sorcière à toi. Oui, merci. We'll be right back. Au retour, il y aura un retour, si on le sait. Mash-up de choses divertissantes et sportives dans la chronique de Maxime Bilodeau à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Requis. On accueillera un nouveau chroniqueur qui nous parlera de cinéma et d'actualité française. François Landry nous en apprendra encore plus sur la politique et on réglera vos problèmes dans Ça existe. Le scène de répondre, là, c'est demain, jeudi, 7h, à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Requis en pièces détachées. C'est menaçant, ça? Ça a l'air dangereux. C'est lugubre, je trouve. Ouais. Tu vois, ça, c'était basé, évidemment, c'est des versions changées d'un ancien annonceur d'Assemblage Requis, Danny Janvier, qu'on adore. Ouais, ça aurait peut-être moins bien fonctionné avec la voix de Marie-Pierre Laforge-Bourret, non? Pour une sorcière, tu peux peut-être assez pitcher ça. Oh, j'avoue. Oui. L'année prochaine. Ne jamais dire jamais. Ouais, voilà. Donc, Maxime Bilodeau, vous l'avez entendu, il est juste là. Présent. Whoop, Gundam Style, présent. T'es présent. C'est ça. Voici d'une foulée à l'autre. Yes. Maxime Bilodeau, bon matin, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous, messieurs? Oui, ça va bien, merci. Ouais, papy. Mademoiselle, ça c'est là. Est-ce que tu as eu des bonbons à date? Est-ce que tu vas donner des bonbons, toi? Est-ce que c'est Halloween, on te demande la question? C'est pas dans ma religion, les bonbons. T'es pas déguisé? Hein? Ah, je suis pas déguisé. Ben, attends, oui, je suis déguisé en quoi, là? En quoi, en sportif? Ah, t'es bon, attends, oui, je suis déguisé en sportif. Ça a l'air vrai. Ouais. Ça a l'air vraiment vrai. Ah non, mais c'est vrai, je pense. Moi aussi. Alors, regardez-moi ces mollets-là. Ça doit courir vite, ça. Ça doit courir. On fera pas une compétition de mollets, là. Ouais, je sais pas si c'est pour vous parler de mes mollets, malheureusement. Je vais vous en parler un peu dans ma chronique de mollets, mais pas de mes mollets, malheureusement. Mollets impression, ce sera pas ça son sujet. Oh, ouais. J'attendais jeu de mots. Je me demandais, le crime, il est pas en forme un matin. Il a pas fait de jeu de mots encore. Donc, aujourd'hui, on a un mash-up de différents sujets. C'est comme une genre de toast salade du chef. Ouais, et voilà. Trois sujets en particulier. On va se poser. C'est des questions que probablement vous êtes déjà posées dans votre vie à quelque part. Donc, pourquoi aller dehors si je peux rester en dedans? Mettons, c'est ma première question. Go, vas-y. Malheureusement, c'est moi qui pose ces questions à moi-même. Ah, okay. On pourrait faire ça à un moment donné. C'est pourquoi aller dehors quand on peut rester en dedans? Oui, parce que je suis sûr que tu trouveras plus jamais de raison pour me convaincre. C'est une blague. Comment c'est une blague? C'est mon personnage de gars qui sort pas. Comment? Mon personnage. Des troglodytes. Hein? Homme des cavernes, troglodyte. C'est ça. C'est toi, ça. Troglodyte, c'est l'agdite? Troglodyte, oui. Hermaphrodite? Ça, peut-être ça se rapproche, oui. Peut-être. Bon. Ouais. Est-ce qu'on commence? Oui, on peut commencer, hein. Je sais pas, monsieur, on s'est posé la question la semaine dernière, à savoir, quel était le meilleur athlète au monde? Dans quelle discipline était-il? On en était venu à la conclusion que c'était Wayne astronaute. Gretzky? Oh! Ouais, j'ai rien compris. L'astronaute, parce que. J'ai refait ça à un moment donné. Il a du mérite, ça à quelque chose, il s'entraîne fort, puis. Ouais, et voilà, il sert à quelque chose à l'humanité. C'est un malade mental, côté. Il faut qu'il soit non seulement brillant, mais il faut qu'il soit en performe. Et bon, il évolue dans des conditions extrêmes. On viendra pas là-dessus. On est tous d'accord là-dessus, c'est l'astronaute. On est tous d'accord là-dessus. Cette semaine, on va se poser une question un peu plus simple, mais quand même amusante comme question. Quel est le meilleur exercice à faire? Donc, un exercice... Un exercice. Okay. Qu'on devrait faire le meilleur. Là, le meilleur, c'est sûr que c'est très large comme définition. Ouais. On voudrait qu'on en ait beaucoup pour notre argent, que ce soit payant, qu'on voudrait que ce soit relativement simple à faire, que ce soit pas trop douloureux, que ce soit... Bref, l'exercice idéal. Ouais. Ça, vous posez cette question-là à n'importe quelle physiologie de l'exercice, ils vont tous vous donner une réponse différente. Ah oui, pour vrai? Oh, oui, puis il n'y a pas de grand consensus là-dessus. Il y en a qui vont dire que c'est la nage. La nage, ça fait partie de des cinq que j'ai retenus et que j'ai décidé de faire un petit comparatif. Okay. Donc, on va commencer avec la nage. Les avantages de faire la nage, on est dans l'eau. L'avantage d'être dans l'eau, puis Mathieu, c'est qu'on supporte notre poids corporel. Comme dans l'espace. Les astronautes font ça aussi. Donc, si on est du genre à tout le temps se blesser et avoir mal aux genoux, on le sent pas. Et voilà. Donc, Travaille, tu sais, dans le sens tes pieds aussi, tes bras, tes épaules. Il faut tout le temps patauger, il faut tout le temps être en mouvement. La respiration aussi. Oui, retenir son souffle, ça peut aider. C'est ça, c'est un exercice très complet. C'était mon deuxième point. C'est très complet, c'est cardio, c'est musculaire, c'est tout ce que vous voulez. Ça demande, malheureusement, les longs tombes dans les aspects négatifs, c'est quelque chose qui demande une certaine technique. Donc, c'est pas donné à tout le monde de nager. C'est pas le petit chien, c'est pas ça l'entraînement. Non. Patauger comme un chien. Ben, ça peut être ça, mais entre vous et moi, quand on est dans une piscine ou qu'il y a d'autres personnes puis qu'on fait le petit chien. T'as l'air fou. Et voilà. Quoique. Si ça fait bouger, pourquoi pas? Il y en a qui disent ça. C'est mieux que rien. Il y a également le fait que, c'est les installations, on parlait des piscines, c'est jamais très, très accessible, c'est jamais très, très simple à accéder, c'est tout le temps très occupé. Des fois, il y a un groupe qui est là pour faire quelque chose, tu peux pas y aller. Donc, la nage, pour ça, c'est un peu le désavantage. Et il y a également le fait, si le poids est supporté, sauf que tout ce qui est, santé des eaux, quand on est dans un environnement où il n'y a pas de support d'eau ou qu'il y a de l'eau, c'est pour la santé des eaux, tout ce qui est densité minérale osseuse, c'est pas l'idéal. OK. Donc, vous faisiez des petits signes, je suis tout intrigué. Ça paraît même pas. Parfait, j'ai rien vu. Donc, un autre exercice qu'on pourrait proposer, c'est simplement la marche. Y a-t-il quelque chose de plus all-around que la marche? C'est ça, on en fait tout le temps, où tous les déplacements. Oui, tous les déplacements, c'est la marche. Donc, à quelque part, juste marcher un peu plus, marcher un peu plus loin, un peu plus vite, pourrait bien faire l'affaire. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Prendre les escaliers, et voilà, c'est un classique. Malheureusement, ça m'essouffle après deux étages. Quand même que je me rendais compte que pas fait pour ça. Même. Toi, Mathieu, tu vas rarement aller au quatrième étage de l'UQTR. Oui. Mathieu, c'est comme Mr. Burns. Voulant dire. Pareil. Non, mais tu sais. Ou... Frêle et dos courbé. Non, pas physiquement, mais tu sais, quand il parle de ses maladies qui sont toutes pognées dans la porte, mais que ça fait qu'il est pas malade. Oui. La grande poésie. C'est vraiment beau. Mais vous savez quoi je parle? Pas vraiment. Non? Ça m'émeut. Donc la marche, l'intensité malheureusement n'est pas au rendez-vous. Puis entre vous et moi également, c'est un peu ennuyant, là, de juste marcher pour marcher. Ouais, c'est ça, à exactement. Tu peux t'amener de la musique, À moins d'être très space et très, très poète et je regarde les oiseaux et me viens. Mais pour vrai, des proses. La marche, c'est une excellente opportunité. Et là, peut-être que je vais sortir le geek en moi, quoi qu'il n'est jamais vraiment rentré. Mais c'est un très, très excellent moment pour écouter des balado-diffusions, par exemple, d'Assemblage Requis. Mais de d'autres émissions, il y en a plein sur iTunes, dans podcast. Là, allez-y, ça va vous divertir, en français. Et effectivement, ça, je suis très d'accord avec toi. Des livres audio. Des livres audio. Ben oui, des livres lus par l'auteur ou par un artiste connu. Pas sûr, j'aimerais ça. C'est très le fun, très le fun. Petite page de vie personnelle. Ouais. Personnellement, quand je m'entraîne, mettons, je m'en vais en vélo faire des 2, 3 heures, 4 heures de bicycle. Oui, ça l'arrive. Tu t'emmènes 3-4 balados et ça passe comme du beurre sur la poêle. Dans le fond, c'est super agréable. T'apprends des choses pendant que tu fais quelque chose. Moi, c'est ce que j'aime. J'apprends des choses quand j'écoute des podcasts. Tu rentabilises ton temps. Ah, c'est génial. Gagnant. Donc, un autre exercice qu'on pourrait se poser comme question, qu'on pourrait proposer, ce serait le squat, tout simplement. Vous savez qu'est-ce qu'un squat, dans le fond, c'est... Ben, je sais qu'en anglais, ça veut dire se mettre à terre puis faire ses besoins. Mais c'est pas ça. C'est une interprétation. En fait, un squat, tout simplement, c'est faire une flexion au niveau des genoux. C'est, on est debout et on fléchit. C'est comme si on allait s'asseoir à terre et on remonte. Quand on s'assoit sur une chaise, on fait un squat. Basiquement, à la base, c'est un mouvement de squat, ça. Donc, c'est un exercice qui implique beaucoup de masse musculaire, qui est très spécifique parce que, bon, c'est toute la... C'est au tout niveau tout, des jambes. Au niveau des jambes, cuisses. Et voilà. Donc, c'est très spécifique parce que, justement, on mobilise toutes ces masses musculaires-là au niveau des jambes et on s'en sert beaucoup dans la vie de tous les jours. Puis, c'est également un excellent exercice pour combattre tout ce qui est la sarcopénie. Qu'est-ce que la sarcopénie? C'est la fonte musculaire qui est liée à l'âge. Donc, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Malheureusement, le squat, le désavantage, c'est que c'est aucunement cardio. C'est un exercice purement musculaire. Donc, ça demande pas beaucoup. Ça sollicite pas tant que ça. Et puis, à quelque part, aussi con que ça puisse paraître, c'est un exercice qui est très technique, le squat. Donc, ça paraît pas vite de même. Paraît pas vite de même, sauf que dépendamment du poids qu'on va mettre sur son dos, dépendamment de sa flexibilité, dépendamment d'une tonne de facteurs, il y a quelques petites choses à vérifier. Et malheureusement, c'est pas connu par tous et chacun. Donc, on en voit que c'est flagrant. Comme là, faut faire attention. Là, pour les gens qui t'entendent à la maison, là, oui. Écoute, on commence peut-être pas ça drastiquement ce matin. Là, C'est comme j'ai dit, si vous asseyez sur une chaise, asseyez-vous et levez-vous d'une chaise à répétition, vous faites des squats à la base. Mais pas de poids sur le dos, pas... On peut commencer justement très simple, très peu de poids sur le dos et évoluer tranquillement vers quelque chose de plus compliqué, de plus complexe. Un autre exercice qui est intéressant à mon sens, c'est ce qu'on appelle des burpees. Qu'est-ce qu'un burpee? C'est tout simplement, on commence la position de push-up à terre, on fait un push-up, on se met en petite boule et on saute vers le haut et après ça, on revient aux positions. Oui. Donc, c'est un peu comme des comment on appelle ça? Jumping jack? Pas jumping jack. Il y a un petit nom en anglais pour ça, mais c'est comme des sauts de grenouille, dans le fond, tout simplement. Puis c'est un exercice qui est très complet, qui est très, très intense à faire. Comment t'appelles ça, des burpees? Burpees, B-U-R-P-E-E. OK. Donc, c'est vraiment laid. Je m'excuse, si squat me fait penser à la position assise, burp, ça fait penser à un rock. Ouais, effectivement. J'aime tes commentaires. Ils sont pertinents. Toujours à propos, Mathieu. Je t'écoute. Ah ouais, je vois bien ça. Encore là, le burpee, je vous ai déjà parlé de les fameuses chaussures minimalistes et d'un ce qu'on appelle un comportement de modération d'impact. Encore là, c'est un peu la même logique, si on veut. Quand on saute sur soi-même, quand on saute beaucoup, quand on arrive au sol, veut pas, on est tout le temps en train de un peu modérer comment qu'on va atterrir et de développer ce comportement-là. Donc, c'est une bonne chose à avoir, tout simplement, parce que c'est un comportement protecteur qui nous protège nous-mêmes un peu des dangers et de tout cela. Donc, ça peut être intéressant. Psychologiquement, bon, c'est dans les avantages. Psychologiquement, c'est un peu dur, on va le dire. C'est un peu plat. Faites 30 minutes de ça. Vous allez t'es brûlé raide. De un et de deux. C'est plate, c'est très, très aliénant. Oui, c'est très, très payant côté forme physique, sauf que c'est pas... J'imagine mal faire ça 5 fois 30 minutes par semaine, mettons. C'est trop. Et voilà. Donc, ça peut être intéressant, on va la considérer. Tant qu'à moi, le meilleur que j'ai gardé pour la fin, c'est les escaliers. OK. Donc, faire tout simplement des escaliers, on parlait de la marche tantôt, courir dans des escaliers peut être également une bonne chose. Ah oui. C'est très intense, c'est très payant, c'est très challengeant aussi. Est-ce que tu conseilles, mettons, quelqu'un qui n'a pas d'escalier chez lui d'avoir les petits steps, là? De plastique, je n'ai jamais testé comme tel. Je dirais que malheureusement, comme tout ce qui est ergomètre, parce que c'est ce qu'on appelle un ergomètre, dans le fond, c'est comme un bicycle stationnaire, c'est un tapis roulant et tout. Ouais, tout. Ce qui a été fait pour. Ouais, et voilà, imiter la chose, imiter, sauf que c'est une imitation. Rien de bol original. Et voilà. C'est comme les imitations de Pepsi. Ben, le meilleur Pepsi est le meilleur, tant qu'à moi. Royal Crown, là, pas spé. Hey, pas cher. Mais pas spé. Sans commentaire. Donc, l'escalier, malheureusement, c'est pas un exercice qui est ultra complet, dans le sens que c'est juste... les jambes. C'est juste les jambes, à quelque part. Le cardio aussi. L'aspect musculaire, cardio est très sollicité, sauf que tout ce qui est le haut du corps va maigrir rêve d'œil. Je sais pas maigrir à vue d'œil, mais en tout cas, il sera pas sollicité fort fort. Non, c'est ça. Donc, parmi ces 5 exercices-là, ben c'est sûr qu'il pourrait en lister bien d'autres. Sauf que ces 5-là sont, à mon sens, une très bonne base. Mais imagine, tu combines les 5. Pourquoi pas? Ça peut être juste... C'est encore là, c'est ce qu'il y a de mieux, sauf que, bon, dans un monde où c'est tout ce qui est la paresse, c'est tout ce qui est faire le moins possible, rentabiliser le plus rapidement possible. Le monde veut les résultats sans travailler du tout. Et voilà. Donc, deuxième petite thématique, je pose la question, dans le fond, le rire comme activité physique. Est-ce que ça peut nous mettre en forme? Est-ce que le rire est une activité physique de 1? Je pense que oui. C'est oui. Et qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Faudrait rire beaucoup. Oui. Genre écouter Assemblage Requis, peut-être. Ah, pas ça. Et voilà, et voilà. Ou Occupation Double. Oui. Donc, le rire comme activité physique. Fondamentalement, le rire, là, c'est une contraction répétée et très forte de tout ce qui est les muscles respiratoires puis des muscles qui contribuent à la respiration. Donc, tout ce qui est diaphragme, tout ce qui est les abdos, tout ce qui est les intercostaux, à la limite, tout ce qui est les pectoraux, les trapèzes, ce qu'on appelle les sternocleidomastoïdes. En tout cas, tonnes de muscles. Je tombe dans des affaires un peu trop spécifiques, sauf que c'est des contractions répétées où ces muscles-là sont sollicités. Là, on parle d'un vrai rire franc, ce qu'on appelle un rire de Duchesne. Comme un rire de Duchesne? Duchesne, c'est comme un sourire de Duchesne. Un sourire de Duchesne, c'est un vrai sourire. C'est un sourire où tous les muscles faciaux sont impliqués. Donc, okay. c'est là qu'on juge par un vrai sourire. Okay. C'est pas les petits sourires ou les rires fake qu'on fait nous autres voilà. Avec l'un l'autre. Là. Ouais, genre de même, ou un petit rire de malaise, ou ouais. Enfin, de même. Là. C'est un vrai rire. Quand on dit rire, quand on en avoir mal aux côtes, c'est une bonne analogie pour dire que c'est sollicitant, c'est taxant. Ouais. Le rire, comme je vous dis, c'est vraiment ça, c'est fondamentalement c'est ça. Sauf que il faut également penser que comme toute activité physique, le rire, ça entraîne une cascade de réactions physiologiques. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? C'est que bon, quand on s'entraîne, mettons, on court souvent, c'est que veut pas au niveau musculaire, au niveau cardiaque, on va avoir des adaptations qui vont rentrer en jeu. Il va avoir des hormones, il va avoir des enzymes, il va avoir des. Et c'est le but là! C'est le but. Et voilà, c'est ce qui provoque, dans le fond, les adaptations. Il va y avoir des signaleurs, ce qu'on appelle la biochimie, dans le fond, biochimie au niveau de l'exercice. Donc, les réactions biochimiques. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau du rire? Parce que si c'est un activité physique, forcément, il y a des réactions biochimiques qui se font dans le corps. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand on rit, ben, on sécrète ce qu'on appelle des endorphines. Oui. Ce qu'on appelle des opioïdes endogènes. Opioïdes étant un peu... C'est ce que c'est. Dans le fond, c'est ce qui donne toute l'euphorie. C'est ce qui donne tout le sentiment d'être léger, le sentiment de se sentir bien dans sa peau, justement. Et endogènes, c'est qu'ils sont à l'intérieur de nous. C'est nous-mêmes qui les produisent. Donc, c'est un peu comme ce qu'on appelle le runner's high, ce que les coureurs ont, le buzz du coureur, dans le fond. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le rire à la base, c'est ce que ça fait, les opioïdes endogènes. Et puis, l'explication, dans le fond, c'est que le rire, ben, ça se fait forcément à plusieurs personnes. On rit pas rarement tout seul chez soi. Ouais. Ou un vrai rire, comme je vous ai parlé tantôt, un rire de Duchesne. C'est rare qu'on fait ça chez nous tout seul. Ben sur YouTube, tu peux aller voir des films, puis ça peut te faire rire. Des chats. Oui, mais des c'est. Des chats, ouais. Je vous invite juste à vous poser la question. Tu sais, quand on rit, mais c'est incontrôlable qu'on tombe dans on pleure, là. On en pleure, là. C'est tordant de rire. C'est bien rare qu'on est tout seul. Ah, c'est vrai. Si on est dans un souper de famille avec des amis, à la limite, on est un peu sous ou n'importe quoi, ben. Ça aide. c'est là que les vrais rires arrivent. Donc, c'est ce qui est important à comprendre derrière ça, c'est pas nécessairement le rire comme le fait que ça se fasse à plusieurs qui entraîne la sécrétion. Un effet d'entraînement. Entraîne tout ce qui est la sécrétion des opioïdes endogènes, en fond des endorphines dont je parlais. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement que, à quelque part, c'est pas le rire comme le fait de faire de l'activité physique à plusieurs, d'être en même temps tous en train de faire quelque chose. C'est plus motivant. Il y a un effet de motivation, il y a un effet qu'on va moins ressentir la douleur justement à cause des endorphines, voilà. Donc, la petite leçon derrière ça, c'est que le rire comme activité physique, dans le fond, c'est simplement une leçon que quand on fait de l'activité physique à plusieurs, c'est tout le temps moins souffrant que tout seul. C'est vrai. Donc, c'était ma petite leçon derrière ça. C'est pour ça aussi les sports d'équipe. Tu sais, il y en a souvent, voilà. Écoute, ça doit venir là-dedans. Et voilà. Pensez à... Dans le fond, c'est derrière ça, c'est qu'il y a tout le temps des petites études scientifiques derrière la chose. C'est qu'ils ont pris des avironneurs, dans le fond, une équipe d'avironneurs, puis ils ont tous testé séparément. Puis après ça, ils ont tous testé en équipe et ils se sont rendus compte que tout ce qui était perception de l'effort était considérablement plus élevé tout seul qu'en équipe. C'est simple comme tout, mais encore là, ça vient juste mettre en évidence qu'on est une petite bête sociale, dans le fond. Oui, tout à fait. La plupart. Il y en a beaucoup qui sont très réservés aussi. Et voilà. Mais je dévie un peu du sujet, mais c'est comme la créativité, c'est comme une tonne, dans le fond. Tout. Juste le travail d'équipe. Oui, le travail d'équipe. Et voilà, c'est on a besoin des autres pour subsister. Et c'est la même réalité dans tout ce qui est activité physique, dans le sport également. Parce que tout le monde donne quelque chose là-dedans. Et voilà. Donc là, je vois que le temps tourne et mon dernier sujet en est un peu plus colossal, je dirais. C'est une question qui est quand même assez intéressante. Est-ce que l'humain est un coureur? Est-ce que l'humain est fondamentalement fait pour courir? Est-ce qu'il est fait pour courir? Est-ce qu'il veut courir? Est-ce qu'il veut courir? Ça, c'est la question. Mais On entend dire, c'est humainement pas possible. On n'est pas fait pour courir. Pourquoi on serait pas fait pour courir si on court? Des vieux qui se sont non seulement ont couru une bonne partie de leur vie, mais qui sont blessés, puis qui ont mettons de l'arthrose ou du genou ou n'importe quoi, et qui ne peuvent plus courir, ou des personnes qui sont fondamentalement juste pas en forme et qui disent on n'est pas fait pour courir, c'est pas naturel. Tu donnes un gros coup à ton corps, là, tu en demandes pas mal en courant. Et voilà. Donc, mais en même temps, c'est faut que tu y ailles aussi à différents degrés. Là, c'est sûr que si tu y vas à l'extrême, c'est sûr que tu vas te maganer. C'est tout le temps une question de dosage. Ben oui. Dans le fond, ce que je veux proposer, c'est un peu un point de vue anthropologique sur l'humain comme coureur, dans le fond. C'est que, anthropologiquement parlant, d'un point de vue évolutionniste, nous sommes bel et bien faits pour courir. Il fallait sauver, mais un point qui est important, c'est qu'on est fait pour être des coureurs d'endurance et non des sprinteurs. Quand je dis ça, c'est que je donnais une petite comparaison sortie cet été pendant les Jeux Olympiques, des gens qui ont fait des comparaisons. Usain Bolt, qui est le détenteur du record du monde au 100 mètres, en 9 secondes 58 centièmes. C'est rapide, là. Ce qui est 37,6 km/h, c'est excessivement rapide 37. Pour un humain. Ben, à titre de comparaison, le guépard, il fait son 100 mètres, lui, en 5,8 secondes. Bon. Donc, c'est à 104 km/h de moyenne, ce qui est. Mais il y a deux jambes de plus! Il y a deux jambes de plus, mais même si on compare à d'autres animaux un peu moins impressionnants que le guépard, on se fait battre par les lévriers, bien sûr, les antilopes, même par les autruches. Et à peine si on est meilleur que les dromadaires. Les dromadaires vont quelques kilomètres-heure de moins que nous, mais c'est vraiment rien. Donc, nous étant le meilleur des humains, là, parce que là. Ouais, le meilleur des humains, là, parce que l'humain moyen qui court ça en 14, 15, 16 secondes, il est loin en tabarouette du dromadaire. Il est loin en tabarouette du dromadaire. Il s'est fait ramasser, là. Et voilà, donc on est vraiment fait pour être plus des coureurs d'endurance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre évolution, la façon qu'on faisait pour nous, tu sais, on dit que dans le fond, nous on est des homo sapiens. Homo sapiens, ce que ça veut dire, c'est homme qui pense. Ce qui fait qu'on s'est démarqué, c'est notre intelligence. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf qu'avant d'être intelligent, encore, faut survivre, tu le disais tantôt. Et comment qu'on survivait? Qu'on subsistait, dans le fond, en chassant, en se nourrissant, c'est tout ce bagage-là derrière ça. Eh bien, c'était en courant beaucoup, justement. La façon qu'on faisait ça, c'est qu'on courait après nos bêtes. Notre moyen de se déplacer aussi. Nous. Et voilà, un moyen de se déplacer. On courait après les bêtes, et puis les bêtes, elles, se fatiguaient au fil du temps. Oui, elles sont plus rapides que nous. Sauf que nous, on est capable de jogger très, très longtemps. T'es-tu sérieux? Dans le temps, on courait après jusqu'à temps qu'il se fatigue? Jusqu'à temps qu'il se fatigue. Wow. C'est ce qu'on appelait, j'ai juste le terme en anglais dans la tête, c'est le persistence runner qu'on appelait. Comment qu'on sait ça? C'est donc bien le fun, la science, puis l'apprentissage. Et voilà. Et une des raisons qui est derrière ça, pourquoi on était capable de faire cela, c'est que, simplement, les bêtes, la plupart des bêtes, n'ont pas ce qu'on appelle un bon système de thermorégulation. Thermorégulation, c'est tout ce qui fait justement régulation de la température corporelle. Eh bien, les êtres humains, nous, on est très bons pour faire ça. On sue beaucoup, on a beaucoup de glandes sudoripares. Tout ce qui est les poils sur notre corps, c'est également fait dans notre pilosité, dans le fond, c'est fait dans ce but-là. C'est également tout ce qui est respiration par la bouche. Nous, on est capable de respirer par la bouche. Les animaux, la plupart des animaux ne peuvent pas respirer par la bouche. Ah. Elles peuvent ce qu'on appelle faire, encore là, je suis tellement en anglais, panting, dans le fond. Petites bouffées, sauf qu'elles ne sont pas efficaces à respirer par la bouche. Ce qui fait que en plus du fait qu'elles ont moins de glandes sudoripares pour se thermoréguler, c'est qu'à un moment donné, ils ont tellement chaud qu'ils ne peuvent plus courir, ils ne peuvent plus produire de chaleur. Donc, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il aille moins vite, il faut qu'il se repose. Nous, l'être humain étant très bon pour la thermorégulation, on courait après longtemps, jusqu'à temps qu'il se fatigue. Et puis, quand il avait fini par se fatiguer, on les tuait. Et puis, c'est là qu'on avait notre... On les mangeait. Et voilà. Et c'est une des... En fond, l'être humain est une des seules espèces qui fait ça. En théorie, c'est ce qu'on devrait faire, sauf que nous, on va ce qu'on appelle le maxi ou le loup blanc. C'est un peu plus simple que ça. La chasse au styrofoam avec de la viande dedans. Et voilà. Il y a de la viande qui, des fois, n'est pas très, très... On n'est pas sûr que ce soit de la viande. Ça doit pas. Donc, l'homo sapiens, ça va d'être l'homme qui pense. On pourrait dire qu'il était l'homo cursor ou l'homo athleta. Donc, l'homme qui court ou l'homme athlète, dans le fond. Parmi les autres adaptations qui fait qu'on peut dire que, d'un point de vue d'évolution, on est indubitablement fait pour courir. Je vais en nommer quelques-unes. Juste au niveau des membres inférieurs, la chaîne inférieure, c'est juste pour te mêler encore plus. On a plein d'adaptations, plein de tendons, plein de ligaments qui sont faits pour accumuler d'énergie et la relâcher. Ça, quand on y pense, à la course, c'est une des principales caractéristiques. C'est qu'on est capable, justement, dans ce qu'on appelle, mettons, le tendon d'Achille, qui est la principale structure, d'accumuler l'énergie élastique. Après ça, on relâche. Et puis ça, c'est de l'énergie gagnée. Donc, on a un coût énergétique. C'est moins fatigant, là. Et voilà, et voilà. Donc, encore là, c'est comme un ressort. Une adaptation pour la course à pied. Un slinky. Ouais, c'est comme un sneaky, dans le fond. Puis, encore là, si on regarde là, nos ancêtres primates, on se rend compte que eux, ces adaptations-là, ne les avaient pas. Les premiers bipèdes avaient un semblant de tendon d'Achille, mais ils étaient bien moins développés. Ils ne pouvaient probablement pas courir. C'est également le fait qu'on est capable, nous autres, de se stabiliser. Veux pas, quand on est debout, il faut se stabiliser. Donc, il faut avoir la musculature en place pour ça. Ce que les animaux quadrupèdes n'ont pas besoin d'avoir. C'est tout à fait normal. C'est simplement la grande logique. C'est également au niveau du tronc, ce qu'on appelle au niveau de la nuque. On a un long ligament qui descend jusqu'à la colonne vertébrale, qui s'appelle le ligament nucal. Quand on court, ce ligament-là fait que notre tête, elle bouge, mais qu'elle reste en place. C'est juste... Non, elle débarquerait, sinon... Elle pourrait pas rester stable. C'est comme les coques que tu peux... tu peux bouger son corps, puis sa tête reste en même place. Je pourrais pas dire, j'ai jamais joué avec de coques, malheureusement. Tu fais de drôles d'expériences. T'as de drôles d'analogies, Mathieu. Sur YouTube, les coques! Comment tu tournes son corps, puis sa tête reste droite à les yeux de nuit? Pas sûr que c'est ça que tu trouves. Sur YouTube, il y a un safe search, je pense. Je pense pas que ça va te laisser chercher pour d'autres choses. Donc, juste ce ligament-là, c'est une adaptation justement pour la course à pied. Il y a également le fait, là, j'en nomme quelques-unes d'autres, c'est un peu plus technique. Les surfaces articulaires au niveau justement des pieds, au niveau des jambes, sont plus larges. Donc, c'est fait pour avoir justement plus de choc, pour que le choc soit plus dispersé. Mieux réparti. Il y a également la répartition de poids au niveau des membres, justement des membres inférieurs, des jambes. Ça favorise justement la course à pied. Quand on regarde les quadrupèdes, ils ne sont pas tous faits justement sur le même gabarit que nous. Nous, notre corps, notre poids est comme réparti et comme centralisé au milieu. Et tout ce qui est les membres, justement, les bras, les jambes, sont plus légères. Donc ça favorise justement le déplacement, ça favorise justement le mouvement. C'est un peu un principe de levier, dans le fond. Également, une autre adaptation au niveau des arches plantaires. On a un arche plantaire qui s'affaisse et qui reprend sa forme. C'est un peu comme encore le principe du tendon d'Achille. Ça accumule de l'énergie et ça la relâche. Ça relâche. Donc, ce qu'on appelle le windlass mechanism dans la littérature. Et que c'est bien fait. Hein? Et que c'est bien fait. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, nous sommes faits pour courir. Si ça vous intéresse un peu plus, je vais vous donner deux sources. La première, c'est M. Daniel Lieberman, qui est un chercheur à l'Université d'Harvard, qui lui étudie tout ça. Très, très intéressant comme travaux. Un peu plus hermétique, par contre. Si vous voulez quelque chose de bien fait, un petit documentaire très accessible. Il y a un documentaire qui a été fait plus tôt cette année. Ça s'appelle The Nature of Things. C'était diffusé sur la CBC. Ouais. Et voilà. Puis, c'est justement... Dans ce documentaire-là, c'était justement tout ce que je vous ai parlé, mais exposé et tout. C'est bien expliqué, c'est tout. Tout, et voilà, tout bien expliqué. C'est 45 minutes, c'est bien investi. Donc, je vous invite fortement à aller voir ça. C'est génial. Donc, ça fait le tour de ma chose. Merci, M. Bilodeau. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Très intéressant. On se retrouve mercredi prochain à 8h30 pour notre chronique d'une foulée à l'autre. Sans faute. Ça va être merveilleux comme toujours. Toujours bon, cette chronique-là. Moi, ça me divertit. Yes. On apprend des choses. Ça finit bien le mercredi matin. C'est ça. On est renseigné et diverti. Comme un coureur qui ferait les sprints puis l'autre. C'est ça, là. Mais là, aujourd'hui, on court pas. Hein. On marche parce que c'est l'Halloween. C'est ça. Faut pas courir pour brûler les bonbons après. Après. Voilà. Donc, on va terminer l'émission ici pour cette émission d'Assemblage Requis. Ça va continuer sur demain. Ad vitam aeternam, lundi au jeudi, 7h à 9h. Demain, l'émission, on va avoir notre ami François Landry et sa chronique Le Goût 601. Ben oui, politique. On sait pas encore de quoi il nous parle, mais on sait que ça va être bon, comme toujours. Tout le temps. On va aussi avoir un nouveau chroniqueur d'actualité française et de cinéma demain à l'émission. OK. Ça va être très, très différent. Nouveau, c'est une sorte de chronique, on aime ça. Et on va faire aussi Sexe, ça ne devrait pas, on l'a. Génial. Ça me semble demain. Restez sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de Con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, les filles de Connaître Ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Ensuite, des émissions que vous avez manquées au cours de la semaine précédente. Au courant. Le Voyage insolite à 14h, Album classique à 15h et l'examen final à 16h. À 17h, c'est la nouvelle émission de Rap, le Big Max Show. Et puis plus tard en soirée, du Trance à 21h avec PsyTR. Et on reste dans le même style avec Transformer à 22h. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, cif.ca pour le site de la station, la programmation, etc. Tout. T'es là. On va se quitter avec une pièce qui s'appelle Fantôme Dinosaure. Yeah. Genre fantôme, comme l'Halloween, dinosaure, comme dans l'évolution des choses. C'est pas dégueulasse, cette émission-là. Hein. C'est écœurant. Fantôme dinosaure, c'est de Hot Springs, François, si ça t'intéresse. Ben oui. Merci à Maxime Milodeau, merci à Stéphanie Paradis, merci à qui d'autre? Anne-Julie Durocher. Toi, François-Louis Marchand. Merci. Et bonne chance à Jasmine Raymond-Rébé. Oui, et son petit dégât. Ramasse ton petit dégât, s'il te plaît. Allô, bye bye!